3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. On est de retour. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Bon, j'avoue, la semaine dernière, il n'y avait pas moyen de faire l'émission. Contrainte professionnelle. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. Mais on est de retour parce qu'on ne vous oublie pas, on avait commencé la review de nos Knickerbockers. On prend le temps un petit peu d'étaler tout ça sur nos épisodes hebdomadaires ou quasi-hebdomadaires de Have a Knicks Week en mode Have a Knicks Summer. Bah oui, la saison, ça fait un petit moment qu'elle s'est arrêtée pour nos Knicks. Et pour autant, on est là, toujours sur KNF TV, le lundi, pour vous retrouver. Toujours fidèlement accompagné de Seb, notre Gaulois préféré. Comment vas-tu, Seb ? Eh bien, écoute, ça va, ça va. Les nuits commencent à être un peu longues, là, parce que tu as donc, bon, alterné les matchs NBA et NHL, mais quand il n'y a pas de match, eh ben, c'est très long, il n'y a plus rien. Donc, pour les travailleurs de la nuit, effectivement, il y a moins d'actualité. Ouais. Et puis bah, pour nous autres, autrement, qui ne travaillons pas la nuit. Voilà. Mais il y a plein de rumeurs. On peut dormir. Il y a plein de rumeurs, il y a plein de trucs à scruter. Oui. Voilà. La NBA n'est pas encore complètement en vacances, nous non plus d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on est encore là sur KNF TV pour proposer un nouvel épisode. Donc voilà, on perd pas plus de temps. Épisode 94, vous le savez, comme à chaque fois, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Il y a des petites reviews à faire, des petites projections. On va parler draft, on va parler free agency, on va parler plein de choses. Donc on perd pas de temps, on balance le petit jingle et on regarde ce qui s'est passé dernièrement sur la planète NBA, sur la planète Knicks, parce qu'il y a eu des choses. Allez, on parle de ça tout de suite dans l'épisode 94. Actualité NBA, mais actualité associative aussi, parce que oui, on vous le rappelle, ce dimanche, dimanche 23 juin 2024, on est encore en 2024, c'est le dernier événement associatif de l'année, le dernier événement en physique, en présentiel, oui, en réel. Au One Ball, on vous donne rendez-vous à partir de 14h30 pour pouvoir commencer à jouer à partir de 15h. Vous connaissez l'adresse, de toute façon tout est décrit sur le site internet, il y a beaucoup d'informations aussi sur le flyer. Bref, on vous attend nombreuses et nombreux pour cet événement basket. On va pouvoir remettre nos petits jerseys, on va pouvoir chausser nos sneakers et enfiler quelques paniers. Ça va être un petit moment sympa pendant 2 heures des pick-up games. Voilà, sans prétention aucune, si ce n'est que de passer un bon moment entre personnes de l'association. Si vous voulez venir avec des invités, ils sont les bienvenus. Tout est écrit sur le site internet. Donc c'est dimanche, ce dimanche, avant de partir en vacances, de souhaiter de bonnes vacances à toutes et à tous. Et puis on connaîtra en principe le champion NBA. On verra de quel côté il y a des anciens Knickerbockers avec des bagues. Normalement, ce dimanche, ça devrait être réglé. On avait fait nos petits pronostics. Je pense qu'on ne devrait pas trop se tromper sur nos pronostics. La saison va vraiment prendre fin cette semaine. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. En tout cas, Boston doit une revanche à ses fans. Parce que le match 4, oh là là, mais quel. Affreux pour eux. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent quand tu mènes 3-0. Tu as peut-être le droit de te relâcher. En tout cas. Pour se relâcher, pour se détendre, un petit peu de basket dimanche, c'est ce qu'on vous propose avec l'association Knicks Nation France. Donc voilà, n'oubliez pas, l'événement, c'est ce dimanche. Bon, ça c'était pour commencer de façon joviale cette émission. Malheureusement, la semaine dernière, elle a été marquée par une annonce un peu tragique, un peu triste. L'annonce du décès de Jerry West. Donc Jerry West, vous le savez, c'est le logoman, le joueur qui a inspiré la silhouette, qui a inspiré la création du logo de la NBA. Une des légendes du jeu, le premier MVP des NBA Finals. Sur une défaite, malheureusement, pour lui, qui avait rencontré de nombreuses fois les Knicks en finale, de nombreuses fois aussi les Boston Celtics, qui lui ont souvent barré la route. Et voilà, Jerry West, une légende du jeu, qui dit adieu à la planète NBA à l'âge de 85-86 ans. On n'avait pas eu tellement d'informations de sa part concernant son état de santé. On n'a pas non plus d'informations sur les causes de son décès. Mais en tout cas, on lui souhaite de reposer en paix maintenant. Il va rejoindre son rival de toujours, Bill Russell, là-haut, au paradis des Bowlers. Et également, le défunt Kobe Bryant, un autre Knickerbocker qui nous a quittés il y a quelques années de ça. Donc voilà, une pensée, on ne pouvait pas ouvrir cette émission sans parler de celui qui inspire le logo de la NBA. Hein. Même si on a peu vu jouer Jerry West, hein, c'est plutôt des images vintage Ouais. avec les finales des On Knicks. l'a plus connu en tant que dirigeant, quoi. Oui, sa seconde vie de basketteur a été marquée par plus de succès que sa vie de basketteur sur le terrain, même s'il reste quand même un des meilleurs attaquants de la ligue, avec de nombreux records qu'il a pu avoir pendant un paquet d'années. C'est surtout sa deuxième partie de vie de basketteur, avec des rôles de dirigeant aux Lakers, aux Clippers, aux Warriors, aux Memphis Grizzlies aussi, il me semble. Bref. Mais Un surtout connu, dirigeant, un homme mais qui a rayonné, quoi. surtout connu pour les Lakers, car il est à Oui. l'origine quand même de deux dynasties, celle du Showtime et celle de Shaq Kobe. Ouais. Donc Pas mal, pas mal. tout le monde a toujours en tête l'été 96 avec la draft de Kobe et puis dans 2 semaines après la signature de Shaq volée au nez à la barbe du Magic. Magic. Donc Ah, le monsieur connaît le basket, je pense, enfin, connaissait le basket mieux que quiconque, je crois. Je crois qu'il avait le nez pour connaître les talents, pour sentir les bons coups. Et non, non, c'était un homme qui, comme tu l'as dit, a dédié sa vie au basket, à la NBA, et puis avait une science toute particulière pour ça, quoi. Donc. Une personnalité un petit peu à part aussi, avec pas mal de difficultés sur tout ce qu'on appelle les troubles mentaux, le stress, les problématiques, comment dire, de dépression. Voilà, il y avait une série qui l'avait un petit peu remis au devant de la scène avec Winning Time, la série de HBO, qui a duré que 2 saisons et qui avait été un peu décriée parce que voilà, on avait un visage de quelqu'un de colérique et tout. Mais en tout cas, voilà, c'est une histoire vraiment à part, ce Jerry West. On se devait de lui rendre hommage. Il y a malheureusement pas mal maintenant d'anciens joueurs, d'anciennes gloires qui quittent ce monde. Eh oui, mais Et oui. on vieillit, ma pauvre dame. Hein? On vieillit tous, on vieillit tous. Le temps Et oui. passe. Bon, le temps passe, le temps passe. Et puis pendant ce temps-là, bah voilà, on a notre ami Julius Randle qui doucement mais sûrement se fait ses petites tournées de Eh ben Big Apple. oui. On le voit un coup au match des Yankees, un coup avant au Alors. match des Rangers, un coup à Wall Street. Voilà, il fait sa petite tournée médiatique, je ne sais pas, mais en tout cas, il fait sa petite tournée Ben estivale alors, il se des régale. Places to Be à New York. Voilà. Bon, il a l'air d'être tout sourire et de passer une bonne rééducation, même si la fin de saison a été un petit peu finie tristement pour Julius Randle qui Un était peu sur le banc, comme. qui était en mode blessure. Un Il a l'air peu de comme profiter de avant son été, en tout les. cas, quoi. Un peu de comme avant l'ouverture de la free agency, avant. Voilà, de Peut-être pas, faire. peut-être qu'il y a un peu de ça, ouais. Peut-être qu'il y a un peu de ça. Histoire de Sait-on montrer jamais. son attachement à la ville, que. Tu vois, bon. On ne sait pas. Est-ce qu'il faut y voir des choses entre les lignes? À vous de juger, mais en tout cas, c'est marrant de voir cette petite tournée promotionnelle de Monsieur Julius Randle. Un autre retour à New York, ben c'est celui de Alors, eh ben alors, Mochix. eh oui. Eh ben oui, un petit peu discrètement, le coaching staff de Tom Thibodeau bah, se renforce avec un ancien du circuit, un ancien joueur aussi qui a une très longue carrière, qui est passé un peu à New York hein, pendant 2 saisons, mais qu'on connaît plus pour ses années à Philadelphie, aux Philadelphia Bien sûr. Sixers, et qui depuis 1994 bah, se retrouve dans différents coaching staff, un coup comme assistant, un coup comme head coach. Un beau parcours, un beau CV qu'on peut avoir sur Monsieur Mochix. Tu peux nous citer quelques franchises par lesquelles il est passé, Seb? En tant que joueur ou en tant Comme que ça, de tête, ou en tant que en tant que coaching staff. Ah bah il a commencé par Portland, il a connu les deux postes en tant qu'assistant et puis en tant que head coach. Alors ce qui est fort, c'est qu'il finit sa carrière en 93 et en 94, boum, il est de retour sur les bancs en tant qu'assistant coach. Et donc en 2001, bah, il prend le poste aux Trailblazers. Ensuite en 2005, il retourne à sa franchise d'amour, c'est-à-dire les Philadelphia Sixers. Entre 2005 et 2008, on va dire que ce n'était pas les meilleures années. Hein. Pendant cette période-là, c'était un peu compliqué pour nos amis de Philadelphie. C'était les années pré-post un peu Iverson, quoi. Donc, Iverson part quand, là, il part quand de Philadelphie? Joker. Joker. Ouais. Ensuite, donc, il enchaîne avec le Thunder en tant qu'assistant de Scott Brooks, le gros Thunder de 2009-2013. Le Thunder de KD, Le Westbrook, trio. et tout, Ibaka et Harden, évidemment. Et puis ensuite, ben, il prend la tête de Détroit, donc un des multiples coachs passés par Détroit donc en 2013. Et puis il retourne sur le banc d'OKC en 2015 et en 2020. Il suit son ami Billy Donovan sur le banc des Bulls. Donc je crois que maintenant, sa carrière est plus destinée finalement en tant Assistant. qu'assistant coach. Je pense que c'est quand même un entraîneur plutôt de l'ancienne école et qui va amener de la, je pense, pas de la stabilité, mais une connaissance des anciens. Tu sais, tu te rappelles quand on avait Mike Woodson sur le banc? C'est vrai que, Ouais, ben voilà, l'année d'oublier. c'est jamais mauvais de toute façon. L'expérience est toujours profitable. Après, certains décriront déjà par rapport à Tom Thibodeau, oui, c'est pas un coach jeune avec des idées jeunes. Bon, bah là, on vient chercher de l'expérience sur le banc. On n'est pas dans l'idée nouvelle non plus. On n'est pas dans Oui, l'innovation en termes de nouvelles têtes. Il y a eu quelques mais rumeurs à un moment donné sur un départ de Johnny Bryant. Pourquoi pas direction Cleveland, lui qui était en plutôt bon terme on avec se Donovan refroidit un Mitchell. poil quand même. Ça s'est refroidi un petit peu et visiblement il n'est plus dans la shortlist côté Cleveland. Tant mieux s'il peut rester côté New York. Est-ce que ça veut dire que c'est une arrivée qui pourrait être comment dire, en anticipation d'un départ futur? À voir. En tout cas, avoir un coach expérimenté dans le jeu, ça peut toujours être intéressant. À voir ce que ça donne l'année Qu'il arrive prochaine. Voilà. quand Mochix arrive au Knicks en 89, tu sais qu'il y a du beau monde sur le backcourt, hein. C'est-à-dire que lui, normalement, il arrive en tant que remplaçant de Mark Jackson. Ça va être son backup à Mark Jackson parce que Mark Jackson débute un peu, enfin, débute, ça fait quelques années qu'il est là, mais il est quand même plutôt jeune. Sur la troisième partie de carrière et sur les lignes arrière, tu as donc Mark Jackson, Mochix et Rod Strickland. Ouais. Ça va. Et il ne faut Bon, pas oublier que Rod Strickland a été drafté par les Knicks. Rod Strickland. Même Faut pas si ça a été l'oublier. plus compliqué après et qu'il est rapidement parti direction San Antonio. Après, il est Voilà, parti. bref. Ça, Mais c'est un voilà. Knicks qui revient. Et bah, des Knicks qui reviennent, on en voit aussi en finale NBA. Josh Hart, un petit peu à la surprise générale, s'est retrouvé être convoqué pour être, comment dire, pas assistant, commentateur. Enfin, en tout cas, je perds le mot. Bref, Josh Hart, consultant, voilà, c'est le Pas terme que je poursuivi cherchais. l'actu concernant ça. Je suis désolé de. Je n'arrive pas à te jeter une bouée. Je te Alors, vois te noyer, mais je n'arrive pas consultant, à consultant, consultant. t'aider. Autant Mochix est assistant, Josh Hart est consultant pour les chaînes américaines pour venir apporter un petit peu de QI basket. Et c'est plutôt intéressant de voir notre ami Josh également en finale NBA. On aura pour le match 5 la présence de Julius Randle également en tant que consultant. Donc voilà, les Knicks ont la cote, faut croire. Hein. Même si les Knicks ne sont pas en finale NBA si souvent, la dernière date de 99, on se le rappelle, eh bien pour autant, les Knickerbockers y ont leur place cette Rappelle. saison en tant que consultants. Bon voilà, ça Ok. c'était les petites news pour lancer l'émission. Il va être l'heure de revenir à nos previews. Et les petites news. Et je t'en ai parlé, Ah, il y mais en ça a me tient à une. cœur. Je Il faut que souhaite un tu. très très joyeux anniversaire à Emmanuel Quickly aujourd'hui. C'est son anniversaire. Quickly, IQ, on t'aime. On veut que tu reviennes. Voilà. Message à Léon Rose, fais revenir IQ, on l'aime tous. Pour mon cœur, pour mon petit cœur de fan, s'il te plaît, reviens. Je ne sais pas Reviens, si c'est dans les reviens à la plans de maison, Léon. on Je ne sais t'attend. pas si c'est dans le plan du comptable, mais on lui souhaite, bien sûr, comme à tous les anciens Knickerbockers, un bon anniversaire. Dès lors que Et c'est leur anniversaire, il y avait RJ il y a deux il y a deux jours. jours, MBRJ. Voilà. Mais On ne aujourd'hui, c'est les oublie aujourd'hui, pas. c'est. Voilà, le lundi 17, c'est l'anniversaire d'IQ et. C'est l'anniversaire d'IQ. Comme RJ Barrett, comme Evan Fournier, ne feront pas partie de nos reviews de cette saison. Et Ils n'ont non. fait qu'un bout de saison. Evan a pas peu joué. Donc voilà, on va se concentrer Bon. sur les derniers joueurs qui ont vraiment eu une présence cette saison, avec plusieurs matchs à leur actif. Et on va reprendre nos reviews avec un joueur Un joueur qui a été plutôt surprenant cette saison. Un joueur qu'on n'attendait pas forcément. Un joueur qui était plutôt Un joueur qui a eu deux rencardé. carrières, Qui qui a eu deux était. saisons dans Qui... la saison. Ouais, c'est ça. Qui était un peu attitré à la G-League et éventuellement à du garbage time. Ce joueur, c'est Miles McBride. Deuce, pour les intimes. Un joueur qui a eu. Qui a profité, en tout cas. Qui a eu un intérêt bénéfique au trade réalisé lors de la trade deadline. 100% à 100%. La trade deadline, et surtout, enfin, avant même, dès fin décembre, pour le trade le départ de IQ et de RJ, ça a libéré de la place sur le backcourt. Ensuite, le départ d'Evan et de Quentin Grimes à la trade deadline en direction de Détroit, bah, encore plus donné d'opportunités de jeu pour Miles McBride. Miles McBride, cette saison, c'est en saison régulière 68 matchs quand même, c'est pas rien, pour un temps de jeu qui avoisine les 20 minutes. Alors, on parle toujours du temps de jeu parce que vous le savez, dès lors qu'on parle de Tom Thibodeau, il faut parler du temps de jeu, il utilise trop ses joueurs, rotation courte, patati Quel patata, bon, assassin! vous le connaissez. Assassin! Vous le voyez au passage en finale NBA, Joe Mazzulla, il est des fois avec des rotations à 8 joueurs, et là, bizarrement, personne n'en parle. On Imagine a un des temps peu de quand minute à même. plus de 40 minutes, personne n'en parle. Je sais pas, c'est bizarre, c'est Néfaste. bizarre. L'influence néfaste qu'a Tom Thibodeau sur la ligue. Ce qu'il est obligé de faire maintenant, Joe Mazzulla en finale NBA. Quelle Un honte! Quelle influenceur honte ce peut-être, un coach! influenceur peut-être. Peut-être que pour gagner des matchs, il faut des fois faire des rotations courtes. Je ne sais pas. C'est peut-être ça la Peut-être que pour solution. gagner des matchs, il faut avoir ses meilleurs joueurs sur le terrain, peut-être. Tout bêtement, tout bêtement. Et du coup, Miles McBride, eh ben, il a à un moment donné fait partie de ses meilleurs joueurs sur le terrain. Puisque du coup, cette saison, on a quand même un Miles qui a fait. Voilà, une saison plus qu'honorable, plus qu'appréciable, avec un temps de jeu qui s'est monté en hausse au fil de la saison. Si on regarde les stats d'un point de vue individuel, on est sur 8 points, c'est pas foufou, c'est pas énorme, mais on est sur des beaux pourcentages de réussite, 42 pour 45% à 2 points, et surtout un 41% à 3 points. Miles McBride s'est retrouvé à être un artilleur, là où on ne l'attendait pas spécialement initialement. Il a développé, il a travaillé son shoot à 3 points, c'est ça, associé à sa défense bien sûr, qui en a fait un élément de choix dans la rotation de Tom Thibodeau. Ah mais t'en as 1,5 parlé, passes. Enfin, t'en 1,5 passes, un rebond, ça c'est pas plus anecdotique, mais clairement, ce shoot à 3 points associé à cette défense, en mode second arrière, parce qu'il n'a pas tout le temps été un meneur remplaçant, c'était les éléments qui ont fait que Tom Thibodeau lui a fait confiance dans la saison. as parlé de toute façon. Il a eu deux saisons dans la saison, c'est-à-dire que quand on regarde post-trade RJIQ pour OG Anunoby, donc tu as 18 matchs. Pour un temps de moyenne de 4 minutes, on va arrondir à 5, pour une moyenne de 2 points. Voilà son temps de jeu entre le 28 octobre et le 23 décembre. Et après le trade, donc lui c'est vraiment comme tu as dit un très grand gagnant du trade. Là tout de suite après le trade, c'est du 30 décembre au 14 avril, c'est 50 matchs joués. Donc 14 en tant que Donc elle est titulaire, large. pour 25 minutes de temps de jeu. C'est-à-dire qu'on passe quand même de 5 à 25. Et pour une moyenne de points de quasiment 11 points par match, à 10,6, on arrondit à 11. Deux passes, deux rebonds. 40, comme t'as dit, 41% à 3 points, ce qui est excellent. Donc ouais, donc lui, clairement, on a fait de la place, il l'a saisi. Et il s'est montré digne des minutes que lui donnait Tom Thibodeau. Et forcément, on connaît le coach. Quand il t'envoie sur le terrain si t'es prêt et que tu renouvelles les bonnes prestations, bah, il te fait jouer. Surtout qu'il amène également cette défense de l'autre côté du terrain. C'est un petit gabarit, mais qui lâche pas son homme. Oh non, oh non. Qui le suit, qui passe sous les écrans, qui harcèle toujours. Il a cette grinta, il a cette combativité sur la ligne arrière et qui finalement marchait plutôt bien Jalen Brunson. à côté de Jalen Brunson. Donc non, Miles McBride, c'est une réussite totale. Une réussite totale cette saison pour lui. Comme tu as dit, hein, il a connu, hein, il nous a fait un match à 24 points, il a fait un match à 21 points, plusieurs matchs entre 10 et 15 points. Donc non, non, très bon, très, très content. C'est quand même un homme qui a été drafté au second tour, l'année de Ouais, la pas oublié. draft de Quentin Grimes, qui est passé la première année surtout par la G League, un tout petit peu incorporé, mais pas trop. Les Knicks ont pris le temps de le développer. Ont pris le temps parce que ça fait maintenant 3 ans qu'il est chez nous. Ouais, mine de Et rien. il faut pas oublier qu'il a re-signé cet été, enfin cet été, durant la saison, une Une prolongation de prolongation, ouais. contrat. Une prolongation de contrat Je crois que tout c'est à. quoi? C'est 1,4 million. Enfin, c'est un petit contrat, en fait. Ça pas, y a pas. C'est un peu passé inaperçu, mais je vais te donner son contrat. Son contrat est excellent. Si, évidemment, il continue à produire ce genre de. À De produire ce. rendement à Voilà. nous faire des 25 minutes à 11 points par mois par match, Voilà. franchement, le rapport qualité-prix, on peut faire difficilement faire mieux, surtout qu'il y a de la défense. Miles Donc McBride, il a re-signé 3 ans pour 13 millions. C'est-à-dire qu'on est sur 4 millions en oui, dégressif. 4, 4, d'accord. Il était à 1,4, non, il était très bas, mais Voilà. ah ouais, Là, il a 4 signé millions. pour 3 ans à 13 millions en dégressif. C'est cadeau. C'est cadeau. Pour un homme qui amène de la défense, amène du shoot, donc du spacing, on l'a vu pendant les playoffs, même s'il n'a pas été. On a vu quand même qu'il y a eu de la combativité pendant les Ouais, playoffs. ouais, ouais. Il a Ouais. harcelé Maxi. Non, c'est un gars de rotation. Un vrai gars de rotation qui connaît son rôle, qui connaît sa mission. Il sait sa force. Il sait sur quoi il doit jouer. Bref, c'est un mec qui connaît sa place en NBA. Et c'est pas évident. C'est pas évident, ça. Donc, non, non. Très belle saison de Miles McBride. Hein. En tout cas, sa deuxième partie saison. Oui. La saison 2024. Voilà, la saison La 2024. première partie est anecdotique parce que voilà, c'est du garbage time, c'est plutôt des Et allers-retours avec la G beaucoup de League. monde sur le backcourt. Beaucoup trop de monde sur le... On Et il l'avait y avait dit. embouteillage, et une fois l'embouteillage libéré, bah voilà, il a trouvé une autoroute pour lui pour pouvoir s'exprimer. Et Tom Thibodeau en a été content, il a su saisir sa chance. Et en playoff, on en a peu parlé, mais en playoff, il nous a fait aussi une belle dynamique. La dynamique de sa fin de saison régulière en playoff, c'est 13 matchs, donc il a joué tous les matchs des Il a joué tous les playoffs. matchs. 26 minutes, 26-7, donc on est à 27 minutes, donc un temps de jeu légèrement en hausse. Bon, vous le savez, les rotations de playoff. 11 points, Ben quand c'est sa même. moyenne, voilà, il reste un peu moins de réussite à 3 points. On est à 36-8 à 3 points, là où on était à Quasiment 41%. 37. Bon, voilà, mais 2 rebonds, 1,9 passes, 43% autrement au tir. On est sur Au le. lancer franc, c'est pas un problème, c'est 80, plus de 80% au lancer franc, donc On est voilà. finalement sur la lignée du reste de la saison. Hein. Tout à fait. Il a su garder son niveau là où bah, en playoff c'est forcément plus dur et les missions défensives qui lui incombaient. Donc voilà, donc Miles McBride, Lui on des est combats. plutôt content de ce petit garçon, de ce petit bonhomme. Voilà, donc combien on va le noter, ce Miles McBride? Ah. Combien on va le noter? En deux notes, parce qu'il y a une note saison régulière, une note playoff. Est-ce qu'on l'attendait, ce Miles McBride, en début de saison? Qu'est-ce qu'on pouvait espérer de lui? C'était quoi les objectifs de Miles McBride? J'avoue, hein, on pouvait difficilement attendre ce joueur, et pour autant, ça a été une des très belles surprises. Donc, est-ce que ça va se retrouver dans les notes? Attention, c'est le moment révélation. Hop, hop, hop, on retourne les ardoises. Et ben voilà. Alors, hop, hop, hop, j'essaye de cadrer. On est sur du A+ et du A, alors en régulière et en playoff, et C'est vrai on que est sur du B+ et du je suis B+. un peu sévère. T'es plus sévère que moi, Ouais. mais t'es constant. T'es Non, constant mais là où moi, je je rétrograde légèrement en playoff Non, la mais t'as note. raison, quelque part. C'est un peu toi qui as raison parce que Merci. je suis un peu sévère dans mon B+, B+. Bon, parce que c'est un homme de rotation. C'est vrai que tout de suite, on a tendance peut-être un peu à sous-noter. Enfin, ouais, à sous-noter. Mais t'as raison que finalement, on n'attendait rien de lui de particulier. C'est ça en fait. C'est ça quoi. Il sortait un peu Limite. de nulle part. C'était pas lui qui devait être au départ là et qui devait faire ça. Et finalement, il produit bien. Ouais, donc je note assez dur là. Je C'est m'en pas vais grave. un peu. C'est Je fait. dirais me mettre des coups de martinet dans le dos tout à l'heure. Mais t'as raison. Et surtout, ce que je tenais à dire, et ça me fait mal de le dire, mais c'est que Miles McBride a fait en playoff ce qu'on attendait d'Emmanuel Quickley. Ouais. Disons qu'il a apporté défense et attaque. Il Là a où Quickley, sur la saison dernière, il était manqué. passé au travers de ses Quickley, playoffs. ouais. Et c'est vrai. Mais Quickley a un profil de plus gros scoreur que Oui, McBride. mais tu Donc vois la voilà. régularité, quoi. Je pense qu'il faudrait regarder les playoffs l'année dernière d'IQ. Et tu vois, et j'ai l'impression que cette Là, t'es année. dur avec IQ. Alors oui, il nous Ouais, avait je déçus en sais. playoff, mais IQ a cette capacité à jouer poste 1 Eh et oui, 2. je sais. McBride, Mais parce qu'il nous a poste 1, déçus, il est IQ petit, aussi. certes, Il nous a mais il déçus en est... playoff, IQ. Ouais. Et Mais bon, il est alors parti, que et on va pas lui McBride tirer nous a dessus pas maintenant. déçus, moi je notais B+, B+. Non, c'est un peu un scandale. C'est un peu, tu vois, Trop tard. rétrospectivement, tout de suite, c'est un C'est honteux. scandale. C'est parce que t'as vu ma note. Je vais Alors me pourquoi moi mettre j'ai mis un A+? un mauvais commentaire pour le coup sur sous la vidéo Voilà. YouTube. Tu vas Toto insulter. Il y a le honte, c'est Choubix, mais il y connaît que dalle. Voilà, BasketX. Non, pourquoi moi j'ai mis un A+? Bah, en fait, on n'attendait vraiment rien du Non, tout t'as de raison. McBride. Limite, c'est un joueur qui aurait dû partir dans un trade, parce C'est que vrai. voilà, on l'avait peu utilisé. Oui, on avait vu des petites choses, mais pas de là à lui faire confiance. Il s'est retrouvé à rester là parce que les autres sont partis, et il a eu l'opportunité de jouer, et il l'a saisi, et il a montré de très belles choses. Son temps de jeu qui était conséquent, c'est que il a apporté des choses. Donc voilà pourquoi moi j'ai mis un A+ en saison régulière. Il s'est Ouais. révélé en saison régulière. Arrivé en playoff, on est dans la continuité. Il n'y a pas eu un juice game, même si il a fait de playoffs tout à fait honorables. Il n'y a rien à lui reprocher. On ne peut pas dire qu'il soit Oh, passé à côté de ses playoffs. le premier match contre Philadelphie où il sort 21 points. Oui. Mais voilà, c'était des petits coups de chaud qu'on pouvait attendre par-ci, par-là. Et il a répondu dans la continuité de sa saison. Donc voilà. Le niveau d'attente en playoff était plus élevé qu'en saison régulière, parce qu'on n'attendait rien en régulière. Arrivé en playoff, on attendait ce qui joue dans la continuité. C'est ce qu'il a fait. Donc c'est pour ça que je lui ai mis un A. Il n'a pas déçu. Il était dans la continuité de sa régulière. De sa deuxième partie de régulière. Donc ça, c'était pour notre ami Miles McBride, un des chouchous du Garden. On va changer Ouais, de un joueur. des chouchous de la saison, ouais. Un des chouchous de la saison parce que c'est un bon petit jeune. Ça s'est vu dans mes notes. Ça s'est vu dans tes notes. Là, on va changer de joueur. On va passer de Deuce à un Croate. Oui, c'est Croate, hein, c'est ça. Bojan Lui, il Bogdanovic. est croate. Lui, il est Croate, c'est ça. Bogdanovic est serbe. Bojan Bogdanovic est croate. Bojan est Croate. Bojan est arrivé en courant de saison par l'intermédiaire de la trade deadline. Au moment de février, hein, c'est ça. Ouais. On l'avait vu, il avait plutôt brillé lors de un de ses premiers matchs à Philadelphie, lorsque la KNF s'était rendue lors du East Coast Trip, le voyage associatif. Il avait été bon sur ce match-là, et fort heureusement, parce qu'on avait eu besoin de ce numéro 44. Tiens, numéro 44, comme un certain Jerry West. Je ne sais pas s'il a choisi ce numéro-là en hommage à Jerry West, mais il y a peu de numéros de 44 dans la ligue. Et à New York, c'est le numéro qu'il a choisi. En provenance de Détroit, ça se passait bien pour lui à Détroit. Enfin, d'un point de vue individuel, d'un point de vue collectif, c'était un peu la galère. Ça a été compliqué. Hein, ça a été compliqué son arrivée, sa transition à New York. Sa transition à New York, c'est 29 matchs en saison régulière. Ouais. C'est 19 minutes. C'est 10 points. 10,4. Une moyenne de points qui divise un petit peu par 2. Bon, un temps de jeu divisé par 2 égale peut-être des stats produits Un par rôle 2. aussi de sortie de banc qu'il connaissait pas trop. Tout à fait. Une adaptation qui est différente, un roster qui est différent, des missions offensives. De toute façon, c'était un peu ses missions à Détroit. On est sur un joueur qui shoot à 37% à 3 points. Bon, voilà, c'est toujours bon à prendre. 2 rebonds, 0,9 passes. C'est surtout les points qu'on attendait. On parle de ses playoffs vite fait, comme ça on aura le panel au global, Pas hein, pour notre ami fou, Boyan. pas fou, pas fou. Ah là là, les playoffs, bah c'est compliqué parce qu'il y a de la blessure. Il sort sur blessure, donc c'est que 4 matchs, c'est 12,8 minutes, c'est 6 points, et c'est un pourcentage à 3 points, 40%, mais 29% au shoot, 3 rebonds, une passe. Bon, des Assez playoffs vu. trop courts, pas assez vus, blessure, dommage parce que dans la série face aux Pacers, il n'aurait été utile, hein, clairement, pour apporter bah, de la Comme profondeur de banc comme et beaucoup de la de nos variété absents. offensive. Mais sur la série face aux Sixers, bah pas grand-chose à se mettre sous la dent, malheureusement, pour notre ami Bojan. Donc voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir noter, juger ça? Toi, qu'est-ce que tu as pensé, avant de révéler les notes qu'on va pouvoir lui mettre, qu'est-ce que tu as pensé de ce Bojan? Est-ce que c'était une bonne pioche d'aller le chercher à la deadline? Est-ce qu'il a apporté ce qu'on attendait, à savoir rapporter du scoring? Là, on en avait perdu avec le départ de Quickley. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah, un peu déçu de Boyan, ça a soufflé le chaud et le froid avec lui. Je m'attendais un peu mieux. Après, comme tu dis, voilà, il y a eu cette arrivée à New York, le fait qu'il devait s'adapter à cette nouvelle équipe, à ce nouveau rôle. Mais cependant, on nous avait vendu comme, un shooter dont son spot était dans le corner. Il a eu les shoots, il les a pas rentrés. Sa défense, ça on le savait, est quand même quelque chose d'assez suspect. Donc, compliqué. Voilà, on a dumpé Evan parce qu'on ne savait pas trop quoi en faire. Fallait. On lui a accroché Grimes au cul et c'est dommage. Pour Bojan Bogdanovic et Burks, au final, et ben c'est plus le second qui s'est montré en fin de playoff. Hein. Mais on en Ouais. parlera de ça après. Parce que Son tour va voilà, venir. on récupère donc Bojan Bogdanovic et Alec Burks dans ce trade. Je pense qu'on l'a aussi récupéré parce que ben, il y a du cap space à libérer, voire à mettre dans la balance. Je pense pas que c'est un homme sur lequel il faut s'attacher. Onyx, je pense que son avenir est plus qu'inscrit en pointillé. Je pense que les front office le voyaient un peu comme le coup d'un soir sur cette fin de saison 2024. Et en fait, ça a été un. Pour moi, ça a été un pchit. Pour moi, ça a été un pchit. Ça a pas eu l'effet escompté. On n'a pas eu le Bojan Bogdanovic qu'on pensait avoir. C'est-à-dire ben, le mec qui, en sortie de banc, allait nous sortir 14-15 points en 20 Il y a eu minutes. quelques soirs comme ça. Il y a eu quelques Ouais. soirées où il y a eu de Mais trop, l'adresse et trop peu. ça a porté par séquence. Mais voilà, c'est quelques coups. C'est quelques coups, quoi. C'est que quelques coups. Et Quelques est-ce que coups. voilà, les Knicks ont payé cher, trop cher, ont sacrifié du Grimes. Oui, il fallait se débarrasser d'Evan parce que la situation était compliquée. Ouais. Et voilà. À Le la truc, sortie de c'est la trade que deadline. Evan, tu le perdais pour rien cet été. Donc en fait, tu avais du cap que tu libérais, mais finalement pour. Enfin, tu libérais du cap, mais après tu perdais le joueur pour rien. Là, tu es dans une situation où tu as la main sur finalement des stratégies. C'est-à-dire que soit en fait là tu décides enfin là ici là dans quelques finalement dans 10 jours à D'accord. lever l'option parce qu'il a une team option à Son contrat est partiellement garanti. Il doit y avoir 2-3 millions de garanties et le reste, les 16 millions ne le sont pas. Donc il y a effectivement un côté, mais ça peut être utile. Mais est-ce que ça mais sera utile pour du ben, si trade? tu Est-ce que ça sera utile juste pour dumper, si tu pour lèves l'option libérer du cap? si tu lèves l'option il y a une deadline hein. Si tu lèves l'option son contrat, je vais te dire après derrière, c'est pour ça que d'ailleurs il pourrait être conservé. C'est parce que ben en vue d'un trade pour un joueur Son quelconque, hein. contrat peut peser dans une balance. Mais est-ce Exactement. que, au Ou regard de sa saison en deux temps à Détroit puis à New York, est-ce qu'il va intéresser d'autres front office, d'autres GM? À voir. En tout cas, il s'est blessé, il a un peu de rééducation c'est un homme qui et pas tout jeune non plus. Pas tout n'est pas jeune. tout jeune, mais qui Notre connaît ami croate. justement, qui connaît les arcanes de la NBA, qui connaît aussi son rôle, hein. C'est un homme de rôle. Il peut intéresser, il peut intéresser des équipes bah, qui veulent aussi libérer du cap pour l'année prochaine. C'est quand même son contrat est quand même à 20 millions. C'est un contrat Donc expirant qui est assez élevé parce qu'il était à Détroit. Hein. voilà. C'est un profil finalement assez comparable. Est-ce que les GM vont s'intéresser à Bojan plus qu'à Evan? C'est un peu une comparaison qu'on pourrait avoir. C'est des profils qui semblent relativement unidimensionnels. Maintenant, on va plutôt parler de joueurs scoreurs, même si Evan à la base a plus de capacité dans le playmaking. Mais voilà, de ces dernières années, de ce qui a pu être utilisé à New York et à Détroit. Bon, à voir. Mais en tout cas, effectivement, il y a toute cette réflexion sur est-ce que c'était le coup d'une saison, un petit coup de boost en sortie de banc. On ne l'a pas trop vu. Est-ce qu'il y a plutôt des arrière-pensées au niveau de Léon Rose pour savoir comment il va utiliser Bojan derrière? Ça, on va en parler dans la seconde partie de l'émission. Mais effectivement, son contrat est aussi peut-être un élément utile aux Il Knicks. faut savoir qu'en Là. 2022, il signe une prolongation de contrat aux Detroit Pistons de 2 ans à 40 millions la saison. Bravo Détroit, bravo Détroit. Ils avaient de l'espoir en lui, je sais pas. Bon allez, on va parler surtout surtout de sportif là dans cette histoire. On va parler de savoir comment nous on l'a apprécié. C'est plus que son contrat qui va nous intéresser, ça va être ses performances. Donc ça va être le coup de la petite ardoise. Je ne sais pas si tu as eu le temps de faire ta petite note. Tes petites notes, est-ce que tu vas être sévère? Est-ce que tu vas être au contraire plutôt conciliant? Est-ce que je vais être sévère? Est-ce que je vais être conciliant? Quand ta note est prête, la mienne sera prête à être révélée. Ouais, je suis partagé. Pas facile. Je connais le range de ma note, mais maintenant... C'est entre A et Z. Ouais, voilà. Non, c'est pas fameux. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Alors, ouais, bah voilà. Bah, alors, écoute, j'ai l'impression d'avoir le père Fouettard. Allez, on retourne tout ça. Hop là, alors. Ah, moi, non, je ça suis... va. Ça va. Moi, je suis sur un C+ et un D. En playoff, et toi tu es sur un C et un C moins. Bon, dans l'esprit, on est sur de moins en moins bien. Forcément, que 4 matchs en playoff. Dès t'envoies du lourd là. Ah là là, j'envoie du lourd. Dès tu sens que... Pourquoi? Je vais m'expliquer. C'est pas le tout de mettre une note, même si on a un peu parlé du contexte. On a parlé de Miles McBride avant. Est-ce qu'on avait des attentes, des objectifs? Qu'est-ce qu'on attendait de lui? Là, sur Bojan, il y a eu un trade. L'idée, c'était de renforcer l'équipe. Donc oui, on l'a renforcé sur un moment. En saison régulière, il n'y a pas un gros panel de matchs. Donc forcément, c'est dur. Et on a vu qu'il y a eu une phase d'adaptation. Sabo est un joueur expérimenté. Bah, il a un petit peu mis de son temps pour trouver un peu d'adresse. Donc il y a eu quelques coups par-ci, par-là. Je suis dans la colle, je peux le dire. Mais on attendait mieux. Et arrivé en play-off, ce renfort, il s'est retrouvé à être pas à son aise. Et puis, il s'est retrouvé à être blessé. Alors, on peut pas le sanctionner de sa blessure. Mais forcément, là, on a trade pour renforcer l'équipe, pour aller plus loin en play-off. Bah, tu perds l'élément que tu as trade à la trade deadline. Donc, décevant, quoi. Moi, j'ai l'impression que ce trade a été du lose-lose. Autant chez nous que chez eux. Parce que finalement, Evan a pas apporté grand-chose. Grimes s'est blessé aussi. Il s'est blessé assez vite. Et chez nous, Bojan a plus ou moins déçu quand même dans la fin de la saison. Et puis après derrière se blesse, voilà, de façon un peu bizarre parce que c'est au contact avec Batum au sol pour le bataille du ballon. Il n'y a pas vraiment spécialement de choses. Bon, c'est la faute à pas de chance. C'est pas du surmenage. Là, c'est pas du surmenage. C'est pas les minutes, c'est les rotations. C'est le sport. Certains quand même te diront que c'est lié. Hein. C'est lié. Parce que t'as pas vu, mais Thibodeau, il est rentré sur le terrain, il a mis un coup de talon sur le poignet. Ouais. Donc, non, j'ai pas l'impression que c'était un grand trade. Voilà, c'était pas, ça restera pas dans les annales des, tu vois. Non. Pas celui-là. Allez, on va pas tirer plus que ça sur le croate. Vous l'avez compris, on a été déçus. Est-ce qu'il va continuer l'aventure à New York? Ça, on va en parler en seconde partie de l'émission par rapport à l'avenir et l'été, l'intersaison. Qu'est-ce qu'on pense des plans de Tom Thibodeau en termes de rotation, mais surtout de Léon Rose en termes de gestion de tous ses contrats, de tous ses joueurs. Là, on va s'intéresser à un autre joueur. C'était son compagnon de Détroit. Il est arrivé en même temps que lui. C'est notre ami Alec Burks. Eh oui, Alec Burks, on le connaissait déjà. C'était un des chouchous de Tom Thibodeau, il faut le rappeler, avant l'arrivée de Jalen Brunson. Et oui, c'est lui qui était le meneur titulaire. Le meneur, alors. Donc voilà, le retour de l'enfant chéri, certains lui trouvent des similitudes avec Michael Jordan, peut-être, je sais pas, de dos. C'est le Michael Jordan de loin, mais loin d'être Michael Jordan. C'est quoi, ils ont acheté la même voiture, c'est quoi? Je sais pas, le côté crâne chauve, je ne sais pas, il y a peut-être un petit air. Bon bref, c'est cousin germain quoi, cousin de loin quoi. Bref, Alec Burks, on l'avait trouvé plutôt bon dans son rôle, dans l'utilisation qu'on avait, même s'il a été utilisé à contre-emploi en tant que meneur. On l'a retrouvé, il revenait de Détroit, pareil. Il rongeait son frein à Détroit, il scorait un peu, il est revenu à New York, il scorait moins, et voilà quoi. Hein. Il a aussi, lui, eu un passage en saison régulière plutôt compliqué, notre ami Burks. Saison régulière, c'est 23 matchs, il en a joué un petit peu moins que Bojan. C'est que 13 minutes, donc oui. Et Ben, surtout, Tom ouais. Thibodeau lui a fait confiance jusqu'à ce qu'il mette en DNP. Hein. Il perd au fur et à mesure, il perd des minutes et il perd son rôle au fur et à mesure, tout Voilà, simplement. voilà, voilà. Les rotations se réduisent et lui, il trouve plus sa place parce qu'on est sur un joueur plutôt poste 2-3, capable de porter le ballon de temps en temps. Mais voilà, c'est pas un créateur pour les autres, c'est un créateur pour son shoot. Il sait se créer son shoot, ça, on peut pas le dire. Est-ce qu'il s'est en rentré? Bah, ça a été compliqué, hein, parce que 30%, 30% à 2 points, 30% à 3 C'est vrai. points. Bon, poussif quoi, tout ça, Et 6,5 points. 72%, alors c'est le panel, Lancer, les lancer, ça va. Les le lancer, ça panel va, est mais. petit, mais 72% pour un mec qui, moi j'ai des souvenirs d'Alec Burks, les lancer pour lui à l'époque c'était une journée au bureau, hein. Tu savais que Ouais, c'était ouais, de ouais. l'argent au coffre, hein. 72% c'est pas bon pour un C'est mec comme lui. pas bon pour lui, c'est pas sa bonne dynamique, et on va voir qu'en playoff c'était un peu mieux. Mais un joueur qui est pas en confiance avec son shoot tout court, bah, arrivé au lancer franc, ça se voit aussi, il y a un petit peu un ensemble dans tout ça. Donc saison régulière compliquée, compliquée. Il Oh fait là un bon là. premier match, en fait il fait un bon premier C'est match, ça. et après c'est tout quoi en fait. Le reste c'était cata, c'était des shoots forcés. Bon, il y a toujours des shoots forcés quand c'est Alec Burks, Alec mais Burks. des fois ça rentre, là ça rentrait plus. Donc compliqué sa saison régulière, et quand on l'a trouvé mis au bout du banc et en DNP, bah c'était pas choquant quoi, parce que c'était un joueur qui était pas là, qui était pas dedans, qui avait pas les sensations, et c'était dommage parce que on avait un bon souvenir et on attendait comme Boyan d'avoir un peu de joueurs capables de mettre des points en sortie de banc, et c'était pas ça en saison régulière, donc on l'a trouvé écarté de la rotation en saison régulière, et arrivé en playoff, 6 matchs pour lui, 20 minutes de La moyenne, 4 rédemption. 14,8 points, 50%, 42, 43% à 3 points, 84 au lancer franc. Il a retrouvé de l'adresse aussi au lancer franc. 3 rebonds, une passe. Bah, en fait, on a retrouvé le Alec Burks qu'on cherchait, quoi, en fait. Lui, la saison régulière, il s'en foutait. De toute façon, depuis qu'il jouait à Détroit, c'était plus ça, quoi. Par contre, les playoffs, ouais, c'était cool. On a retrouvé du Alec Burks qui a été le Joker à un moment donné. Quand la rotation s'est réduite, quand il n'y avait plus de joueurs à aller chercher, bah, il fallait mettre des points et lui avait retrouvé un peu de sensation. Donc voilà, on a eu un Alec Burks à deux visages. Un deux visages mauvais, faut le dire, appeler un chat mauvais en saison régulière, et bon en playoff, lorsqu'il a fallu faire appel à lui pour mettre des points. C'est lui qui termine peut-être meilleur marqueur, je crois, du tout dernier match, 26 points. qui est malheureusement une lourde défaite hein, face aux Pacers. Ouais, 21. Donc bon, voilà, c'est un peu anecdotique, mais tout de même, ça montre que c'est un joueur qui n'avait pas perdu son basket, qui avait peut-être perdu la confiance, qui avait perdu le rythme, qui avait perdu ses repères, mais qui a toujours cette capacité à scorer sur des coups de chaud. Voilà, c'est Alec Burks qu'on connaît, quoi, finalement, en playoff. C'est celui-là qu'on a retrouvé. C'est celui-là qu'on aurait aimé voir en saison régulière, même si finalement la saison régulière, bah on n'en attendait plus grand-chose parce qu'elle s'est bien finie autrement pour les Knicks avec 50 victoires. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur notre ami Burks? Non, toi, tout dit, ça devait être le gars qui, en sortant, en fait, ben, les gens que nous sommes allés chercher, ce devait être des personnes qui devaient produire en sortant du banc. Et ce sont des gens qui n'ont pas produit en sortant du banc. Et donc, pour Boyan, il est resté dans la rotation parce que, aussi, rapidement, on perd OG, il n'a jamais joué avec OG Anunoby. Forcément, ben, bon gré, mal gré, il a également continué à conserver ses minutes. De l'autre côté, Alec Burks, et ben, t'avais JB, t'avais Miles McBride, t'avais Dante DiVincenzo qui scorait. Donc, ben, au fur et à mesure, lui a disparu parce que c'est pas le plus grand des défenseurs. Et si ce type-là, en sortant du banc, ne score pas, et ben, c'est que ça revient comme à Evan Fournier finalement. C'est-à-dire ben, que t'as un type qui est là, un peu semi-plot en défense, et qui offensivement ben, n'apporte rien parce qu'il joue pour lui. Donc, ben, lui aussi, Tom Thibodeau, a tranché dans le vif et a dit ben, stop. Il a été obligé de le relancer. Je ne compte pas son premier match contre Indiana où il a joué 44 secondes. Après, il a joué 5 véritables matchs pour un bilan de 4-1. De 4-1 pour Indiana. 4, enfin, 1-4, quoi, on va dire. Donc, il n'a pas vraiment pesé dans les. Enfin, il Dans n'a les pas. résultats finaux. Ouais. Donc, évidemment, Alec Burks, ça fait sympa de le voir, mais c'est un mec qui on peut s'en passer, je pense, pour le futur. On va voir quel est l'avenir pour Alec Burks. Tom Thibodeau. Tom Thibodeau. Tim Thibodeau. C'est Thibodeau. Bref, le coach avait salué son professionnalisme. Quelle note, nous, on va lui donner? C'est le moment du reveal. Allez, hop. Alors, je suis sur un D et un B+. T'es sur un D et un B+. On s'est pas mis d'accord, mais comme quoi, on a vu la même chose. On l'a trouvé, malheureusement, pas du tout répondant aux attentes qu'on pouvait avoir de lui en régulière. Et on a été agréablement surpris de le retrouver parce qu'on n'avait plus d'attente pour lui en playoff. D et B+, B+ comme Super Burks finalement, quoi. Hein? Super Burks. D comme dégueulasse en régulière. Bon Burks en... Bon Burks. Ça, c'est un bon Burks. Ah, ça c'est du bon Burks. Bon, changeons de joueur. On passe encore sur... des joueurs en sortie de banc, role-player. Et oui. Là, on passe sur le front de courte. On parle de monsieur Jericho Sims. Bah oui, on va pas l'oublier. Oh lui. Là là là là. C'est un jour Il de va falloir en parler. Il va falloir en parler. Non mais, attends, si on note Jericho Sims, on note aussi Taj Gibson. Enfin, je veux dire. C'est... Non. Taj n'a pas fini la saison. Il était de passage. Voilà, c'était un intermittent. Il est venu, il est reparti, il est revenu, il est reparti. Parce que Jericho Sims, c'est pas un intermittent. Jericho Sims a joué en playoff. Oui. On est vraiment obligé de le noter. On est vraiment obligé de le noter. Je crois pas que j'ai les bonnes stats. Alors, attends. Je les ai si tu veux. Je les ai si tu veux. Si. Non, j'ai pas. Oui. Alors, non, il a fait autant de minutes en playoff. C'est fou. Bref, Jericho Sims, parlons-en. 49 matchs de régulière. Oui. Moi, j'ai 24 minutes de temps de jeu. Non, c'est 45 matchs. 45 Vas-y. Matchs de saison régulière pour 2 points, 3 rebonds. Qu'est-ce que je peux te raconter de plus? Eh ben, qu'il a joué également. On oublie, j'ai pas le bon panneau pour notre ami Jericho Sims, c'est pas grave. Je vais enlever les stats, mais vas-y, donne-nous-les comme ça et ça fera l'affaire. Alors, attends, parce que... voilà, je reviens. Donc, 45 matchs, 11 en tant que titulaire, pour 13 minutes de moyenne de temps de jeu. Pour un joueur, comme je t'ai dit, de 2 points, 3 rebonds, on a 0,4 blocs. Bon, c'est plutôt anecdotique, hein, notre ami Jericho Sims. Il a eu un peu de temps de jeu... Mais après, enfin, c'est pas... Il a dépanné à un moment donné. Oui, là, c'est pour ça que ça aussi s'est un peu gonflé, parce qu'on a eu à un moment donné, on a eu Mitchell Robinson qui était plus là, forcément, et on a eu Isaiah Hartenstein qui s'était un peu blessé, donc il jouait pas, donc il jouait, quoi. Qu'est-ce que je peux dire sur Jericho Sims? C'est un athlète. C'est un athlète. Voilà, il a essayé de varier sa coiffure aussi. On l'a fait notable cette saison. Voilà, il a un corps de fou. Voilà, il a un body de malade. Il a du jump. Voilà. Après, je crois que c'est tout. Hein. Malheureusement, voilà, il n'y a pas de dissuasion comme on pourrait l'espérer pour un athlète en termes de contre et de rim protecting. Le rebond, voilà, ça se traduit souvent aussi par des fautes, malheureusement. On a un joueur, on a l'impression qu'il ne se développe pas, qu'il ne progresse pas. On n'attendait peut-être pas grand-chose de lui en début de saison régulière, parce qu'on savait qu'au niveau poste 5, il y avait déjà des clients devant lui, avec Mitchell Robinson, Isaiah Hartenstein, qui ont fait de belles saisons. Enfin, des deux saisons pleines, en tout cas, même si Mitch a été... Voilà. Donc, c'était nécessairement la troisième rotation à l'intérieur. Le gros de sa saison... Ça a été entre le 20 janvier et le 27 mars. Il a joué 25 matchs, dont 5 en tant que... Donc 25 matchs de ses 43, dont 5 en tant que starter, pour 18 minutes de moyenne. C'était 2,7 points, donc vraiment au plus haut de sa saison. 2,7 points, c'était 4,6 rebonds et 0,7 contre. Donc... Bon, je pense qu'on va pas rester longtemps sur notre ami Jericho. Certains aimeraient le voir plus. Je sais pas qui. Pourquoi faire? Je sais pas qui, je sais pas qui. Allez, allez, allez, perdons pas plus de Allez, temps. Mettons-lui sa note. Il faut qu'il ait une note comme tous les joueurs des Knicks qui sont passés, qui ont vraiment joué. On l'a vu un petit peu en playoff, on l'a vu un petit peu en régulière. Est-ce qu'on a été convaincu? Pas vraiment, vraiment. Hein, vous l'avez compris. On en a tellement peu été convaincu qu'on s'est loupé dans les stats, dans le recueil de stats le concernant. Et en même temps, est-ce que c'est des stats qui vont le mettre très à son avantage? Pas vraiment. Bien sûr, c'est un joueur qui prend pas de 3 points. C'est un joueur qui, au lancer franc, aussi a des difficultés. Bref, tout ça vaut un petit. Hop, hop, hop. Moi, j'ai mis un DD. Toi, t'as mis un quoi? Jericho Sims, JS. Ok. Voilà ses initiales. Bon, voilà. Jericho Sims, vous l'avez compris, c'est un joueur qui est là. Est-ce qu'il sera encore là très longtemps? Voilà, Ça, c'est pas certain. il a le mérite d'être là, de ne pas se blesser. De pas se blesser. Et c'est Voilà. important à New York Écoute, de pas se blesser. non, mais après, oui, après, voilà, après, c'est sûr que je suis salaud dans mes notes, mais je vais lui mettre quoi comme note? C'est vrai que c'est pas. Enfin. Après, voilà, il répond présent, enfin, il répond présent. Oui, il répond présent. Hein. Jericho, oui, tu vois, bon, il répond présent. Il rentre sur le terrain, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Enfin, je veux dire, quand son contrat va s'arrêter, est-ce qu'il va trouver un autre contrat, ce type-là? En sachant que ben, chaque année, il y a des mecs comme lui qui arrivent. Même en Europe, après derrière en Europe, enfin, je veux dire, en Europe, les pivots sont techniques. Hein. Lui, il a zéro technique, il a zéro skills. Oui, voilà. Enfin. Bon, allez, arrêtons de tirer sur l'ambulance. Par contre, Parce qu'il parlons de y monsieur. a, en ces années de JO, là, bon, il y a eu les championnats du monde d'athlétisme qui sont partis, mais est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, un truc, Est-ce que peuvent. Eh, faut faire les minima, faut faire les minima, tu faut sois faire en les hauteur, minima. peut-être, un truc comme ça, tu vois, je suis sûr qu'il se fait pas mal. Puis, il a une belle détente, mais c'est pas la technique pour passer Après, par-dessus les il est barres. carré, peut-être du lancer du marteau ou un truc, tu vois. À voir s'il y a une reconversion possible. En tout cas, si vous avez des idées de reconversion pour Jericho Sims, si vous avez un poste, je sais pas, dans le bâtiment pour faire des peintures de plafond ou des choses comme ça, n'hésitez pas Il à est nous mettre grand. Ah oui, une il est grand. référence en commentaire. On essaiera de lui relayer. Par Exactement. contre, il y a un joueur, on va finir par lui notre review, qu'on n'attendait peut-être pas non plus forcément. Oui. Ce monsieur, c'est Precious Achiuwa. Il est arrivé dans le cadre du trade de OG Anunoby contre RJ Barrett et notre ami Emmanuel Quickley dont on a parlé tout à l'heure. Et lui, bah voilà, il est arrivé à New York un petit peu par la petite Un porte peu sur en la se pousse disant, des billes, bon, ouais. il est arrivé, mais t'es fait peut-être pas trop vite ta valise, parce que peut-être que d'ici la deadline, tu vas repartir vers une autre destination. Alors oui, tu es d'origine, enfin, tu as des origines du côté du Bronx, hein, même si je crois que c'est nigérien, Precious, d'un Comme point on de dit, vue. ouais. Comme on dit, c'est des origines nigérianes, mais il est new-yorkais. New Yorkais, voilà, il a la fibre new-yorkaise du Bronx. Bref, mais on prévoyait pas grand-chose pour Precious, et pour autant, Precious, bah, il s'est montré être utile. Ben, Il a un su peu comme répondre Malakai présent Flynn, en quand il y fait. a eu On pensait qu'il allait Malakai F... partir. On pensait qu'il allait Ouais. partir à un moment donné dans un truc. Ouais, mais là où New York avait besoin un petit peu de renfort dans la peinture, bah voilà, l'arrivée de Precious, c'était peut-être pas déconnant. Et au final, on a 75 matchs de saison régulière. Alors, je me suis peut-être encore Alors, foiré dans les chiffres. En X, on a 49 matchs, dont 18 en 49. starter, Voilà. pour Voilà. 24 minutes de temps de jeu. Ok, 7 moi j'avais 25. sur 7,8 points. 7,6 points. Juge. On a 7,2 rebonds et une passe et 26% à 3 points. Voilà, 64% au lancer franc. Non, c'est un homme qui a su tirer son épingle du jeu un peu dans ce marasme à un moment donné qui aurait été un peu la rotation des Knicks due aux blessures. Il a su apporter ben, cette. À un moment donné, il a connu un super mois. Où il a été incroyable. Enfin, il a. C'était, tu vois, c'était la fin du mois de janvier, là, début février. Là, il scorait, là, il avait été plutôt fou. Ouais, tu vois, du 30 janvier au février, tout le mois de février. Tout le mois de février, c'est 13 matchs, dont 13 en tant que starter. Pour 38 minutes de temps de jeu, il avait amené 12,6 points, 10 rebonds. Ça, c'est son mois de février. C'est son mois de février. En mois de Ouais. février, il tourne en double-double. Donc, pas mal. Pas Plutôt pas mal. mal. Et donne-nous ces stats un petit peu. Alors, parce que j'avais des Ouais. stats, mais j'ai dû me louper. Hein. Vous m'excuserez. Sur ces stats en playoff, il nous fait combien de matchs, notre ami Precious? Alors, il nous fait sur les 13 matchs de playoff, il nous en joue 9. C'est ça. Il nous en joue 9. Il joue 9 matchs, dont 2 en tant que starter pour 20 minutes de moyenne, enfin 20,5. Il tourne à 5,2 points pour 4 rebonds. 1,3 blocs par match. Donc c'est pas mal quand même. Un peu plus d'un contre de moyenne par match. Enfin, là, il a quasiment pas pris de 3 points et c'est du 50% au shoot. Mais à un moment donné, on s'était dit pourquoi on fait pas appel à Precious? Il le fait rentrer, il fait un très bon premier match où avec c'est avec c'est avec Art non c'est pas avec Hartenstein, il s'alterne sur non c'est avec OG, il s'alterne sur Embiid et ça marche très bien, ça marche très bien parce que justement les deux sont véloces, les deux pas Il y a une courte séquence, quoi. évidemment des gabarits moindres par rapport à celui de Joel Embiid, mais rapide et ça l'avait vraiment beaucoup gêné. Et puis derrière, il disparaît alors qu'il fait un super premier match. Et puis finalement, après, par la force des choses, parce qu'on a un Mitch qui sort sur blessure, évidemment que. Et OG, après, qui disparaît aussi sur blessure, évidemment, ça lui a ouvert des minutes. Donc il est rentré dans la rotation sur la fin des playoffs. Mais c'est un gars qui. Plutôt sympathique, en fait. Hein. On a Oui, plutôt de. au demeurant. Plutôt de bonnes choses sur lui, plutôt de. De bonnes vibes sur lui, pas fait, enfin, je veux dire, il a pas, il a pas défrayé la chronique, il a fait ce qu'on attendait de lui, voilà, on entendait comme finalement McBride, on n'entendait pas spécialement de choses à Chua, on nous l'avait très mal vendu, les gars de Toronto, ouais chouette, il est parti, super, merci, tout ça, Oh, ça. bon. Les premiers matchs ont été compliqués. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cet intérieur qui a pas de main? C'est Voilà, parce vrai. qu'il était en phase aussi d'adaptation, de transition, comme d'autres avant lui. Et puis, il a réussi à trouver ses marques. Comme C'est si un le joueur mois aussi de qu'on a pu. février est terrible. Le mois de février en double-double est terrible. Mais on a pu le voir même écarter le jeu, prendre quelques shoots à 3 points. Alors, ce n'est pas des gros pourcentages de réussite, mais voilà, il y a cette petite panoplie qui se complète en termes de jeu. Et puis, cette combativité, donc plutôt intéressant. Voilà, dans l'esprit grit and grind, dans l'esprit blue collar un peu qu'on aime à New York. Donc, ça collait bien, ça collait bien. Et on pensait que Tom Thibodeau lui faisait confiance. Arrivé en playoff, bah, on s'est Ouais. trouvé un peu surpris de le voir un petit peu mis sur la touche. Mitch Robinson s'est blessé, ça a relibéré un peu de temps de jeu, d'opportunité, mais pas non plus foufou. Donc voilà, Il faut c'est savoir une petite que surprise, bonne pioche, mauvaise pioche, en tout cas c'est une pioche. Pas un Precious contrat est très élevé, espérant à voir ce qui sera ouais, décidé il est le restricted. concernant. Il est restricted, donc ben on a ses droits sur lui, on peut matcher les offres qui vont être faites. Actuellement, il avait un contrat, il était sous contrat rookie, c'est-à-dire en 4 ans, 12 millions. Est-ce que c'est un homme qui peut prétendre à plus que 12 millions sur 4 ans? 12 ou 15 millions hein, sur 4 ans? Est-ce que c'est pas un mec qui peut avoir un contrat voilà, à la McBride? Si Léon Rose arrive à négocier ça, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut garder. Mais sinon, après, s'il part, bon, il part. C'est pas. On trouvera peut-être remplaçant. Voilà. Allez, on va sortir l'ardoise aussi pour notre ami Precious. Hein, est-ce qu'il a plus convaincu que Jericho Sims, qui a reçu un J et un S de la part de Seb? Bon, j'espère quand même. Est-ce qu'il a autant convaincu que Bojan, que McBride, que Burks? Hein, ça va être intéressant de voir quelles notes on peut donner à cet ami Precious. Moi, mes notes sont prêtes. Allez, on retourne tout ça. En saison régulière, pour moi, je lui ai mis un B et je lui ai mis un C en playoff. Et toi, tu es resté sur un B et un B. Ouais, Voilà, ben. quelque chose de constant. Alors pourquoi moi je suis un peu plus sévère en playoff? Bah autant en régulière, on n'attendait pas grand-chose. On s'est dit aussi que voilà, il allait repartir assez vite, aussi vite qu'il était arrivé. Et puis finalement, non, il aurait eu, après une période d'adaptation qui aurait plutôt visé du C en termes de notes, parce que c'était pas des très bons passages, bah, il s'est remontré à son aise. Et voilà pourquoi c'est un B, parce que finalement, là où on n'attendait pas, bah, on a quelque chose de plutôt intéressant, utile en tant Ouais, c'est pas que mal là. role-player. Par contre, en playoff, bah, j'ai été surpris que, un, Thibodeau ne fasse pas appel à lui, mais il avait Mitch, il avait Hartenstein, donc il voulait peut-être pas trop étendre sa rotation intérieure. Bizarre. Et puis Il voilà, avait ça a été OG et Hart, moins. et Hart a beaucoup joué 4 Ouais, et... aussi, ouais, cette polyvalence. Donc voilà, moins utilisé, Après, il y a du ça coup, moins aussi, séduit, moi, c'est un par quatre, Precious en c'est plus. un cinq, c'est quoi, tu vois, tu vois, C'est un grand 4, mais un petit 5. Je crois on s'était fait un petit peu le parallèle en disant, mais quand tu regardes la taille du garçon par rapport à OG Anunoby, les deux, il y a quoi? Il y a 3-4 cm d'écart entre les deux. Et pour autant, on nous vend Precious comme un 5. Ah, c'est peut-être pas vraiment un poste C'est un 5. premier tour, hein. Un premier tour, 20e choix, précieux, tu vois. Ouais, par Miami, si je dis pas de bêtises, non? Ouais, il a été drafté par Miami. Ouais. Mais Il a des été fois, les drafté par joueurs de Miami. Miami sont bons à Miami, et une fois qu'ils partent, c'est plus compliqué. Bon, on a fait notre tour. Oui. On a fait notre tour des reviews. Il manque peut-être quelqu'un. Taj Qu'est-ce qui Gibson. manque? Taj Gibson. Taj Gibson. Non. Non, non, non. C'est un chauve. Un chauve. Non, t'as pas d'idée de chauve? Qui crie parce qu'il n'est pas Ouais. content, Ouais. qui s'appelle Tom. Ah, certains m'auraient dit dans l'oreillette Evan Fournier. Non, on va pas faire Evan Fournier. Evan Fournier, on en a tellement parlé que non. Oh C'est oui. notre ami Tom Thibodeau. Bah oui, on pouvait pas faire une review de cette saison sans parler d'un des artisans en chef de la saison des Knickerbockers et des playoffs. Tom Thibodeau, souvent décrié, très souvent décrié. On a souvent pris sa défense. Voilà, par rapport à ses rotations et autres. Comment on juge la saison régulière? Et les playoffs de Tom Thibodeau avec ce groupe qui, on l'a vu, de par les différents mouvements, les trades, les blessures, a réussi à mener la barque des Knicks, bien sûr avec en chef un certain Jalen Brunson. Jalen Brunson, All-Star. Jalen Brunson, All-NBA. Julius Randle, Second All-Star. team. Julius Randle, All-Star. Un Tom Thibodeau qui arrive à tirer la quintessence de ses joueurs, qui arrive à garder le groupe soudé à lui, qui arrive, malgré des joueurs mis à l'écart, des DNP. Burks, Evan, Grimes aussi un peu sur la touche, tout ça, à ne pas avoir trop de drama dans ce groupe. Il n'y a pas eu de déclaration incendiaire, il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de scission. Ça a été dur pour certains. Tous les joueurs n'ont pas fait partie du voyage jusqu'au bout. On le sait, c'est comme ça en NBA. La méthode Thibodeau, elle plaît ou elle déplaît, mais elle obtient des résultats. Donc voilà, après cette nouvelle saison et potentiellement une prolongation de contrat concernant Tom Thibodeau, comment est-ce qu'on met une note à Tom Thibodeau? De A, B, C ou D. Le coach, Il faut comment on noter le là tout de note? suite là. Et oui, monsieur, l'ardoise, elle va servir une dernière fois. Je parle Tom pas, Thibodeau. je dis pas ce que j'en pense. Si. Je donne quelques arguments, quelques éléments de contexte. Mais quelle note on peut mettre à ce Tom Thibodeau qui arrive, quatrième, cinquième du vote de Coach of the Year? Il arrive combien, toi, Chauveur? C'était peut-être pas sur le podium, c'est peut-être 4 ou 5, je sais plus. C'est peut-être 5. Joe Mazzulla doit finir 4 et Tom Thibodeau est 5e. Mais alors toi, qu'est-ce que t'en as pensé avant de révéler cette note? Début compliqué, début de saison compliqué. Après, au fur et à mesure, ça allait mieux. Après, derrière, il y a eu évidemment le trade et puis l'adversité des blessures. Et là, il a su remobiliser toute l'équipe là où peut-être ça se serait un peu effondré. C'est-à-dire quand tu perds coup sur coup Julius Randle et OG Anunoby, dur. Avec déjà Mitchell Robinson sur le bas-côté, dur. Dur, coup dur pour le groupe. Et malgré tout, ils ont continué à avoir des résultats. Malgré tout, le groupe a pas explosé. Ils sont restés derrière le coach, ils sont restés derrière ses prérogatives. Ils l'ont suivi. Lui, comme il dit, hein, il dit, d'ailleurs, je vous invite à aller voir le roommate. On voit les images. Lui, voilà, il dit, moi, j'aurais pas pu mieux espérer que ce que finalement les gars vous avez fait. C'est-à-dire qu'en fait, ben, la saison malheureusement c'est fini sur un Game 7, mais vous avez tout donné, toujours tout donné pour l'équipe. Il n'y a pas eu de regret, quoi. Voilà, pour lui, il n'y a pas de regret. C'est sûr qu'il y a, en fait, il y a un what if de si on avait eu le groupe au complet, qu'est-ce qu'il se serait passé? Eh oui. Mais derrière, les gars, il n'y a personne en fait à rechigner à la tâche. Tout le monde a toujours été là, tout le monde a toujours tout donné pour, ben, pendant les minutes qui lui ont été données, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Donc là-dessus, il était vraiment très content, très ému. Il dit, d'ailleurs, il dit, voilà, c'est ce que je vous ai dit immédiatement derrière, après l'élimination. Moi, ce que je pourrais peut-être lui reprocher un peu, c'est peut-être un petit manque en play-off d'adaptation dans certains moments où il a fallu qu'il soit souvent au pied du mur pour intégrer un Precious, pour faire entrer un Burks. C'est-à-dire ouais. attendre que ben on n'ait plus trop le choix, plus pour, le choix quoi. Ouais. pour faire des choix. Donc là-dessus, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il soit plus dans l'action plutôt que dans la réaction. Et c'est en ça où il m'a un poil, si je devrais évidemment être tatillon, un poil déçu en playoff. Mais après non, après c'est un coach qui est fait pour New York. C'est un coach qui a des idées, c'est un coach... Il le dit vraiment, allez voir le roommate, parce qu'il lui parle de sa gestion des minutes, il lui parle de sa gestion des temps, ben, bon, je vous l'ai dit, des temps de jeu, de sa façon dont il voit le jeu. Et il dit bien, évidemment que quand j'ai commencé en tant qu'assistant coach, puis après que j'ai eu le poste d'être coach, évidemment que le jeu a changé et que c'est une remise en question tout le temps. Parce que, ben, en fait, on se pose des questions de savoir comment on va déjà évoluer le jeu demain et d'anticiper avec le reste du front office sur l'évolution de notre roster, mais aussi de comment s'adapter au jeu de maintenant avec des mecs de maintenant. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est arrêté à l'instant où, quand il était coach des Bulls. Il est pas aveugle, il connaît le basket. Il connaît le basket plus que toi, plus que moi, évidemment, et plus que beaucoup de gens sur Terre. C'est un mec qui mange basket, qui bouffe basket, qui vit basket. Et d'ailleurs, il lui pose la question à un moment donné, qu'est-ce que c'est en ce moment tes vacances? Et lui, il dit, bah, en ce moment, les vacances, c'est les workouts, c'est la préparation d'un free agency, c'est... Voilà, le mec, il n'y a pas de vacances en fait. Il est toujours concerné dans les décisions, dans la façon dont il voit les choses. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que le front office l'écoute dans les joueurs qui sont Tibbs compatibles. Et donc forcément, c'est toujours mieux hein, de travailler avec ton coach. Ça permet d'avoir de bons résultats. Donc voilà, donc non, ton petit Bodo... On met la note. Ton petit Bodo a été plutôt bon. Et d'ailleurs, une petite anecdote très marrante dans le roommate. Une question d'un internaute qui lui dit qu'est-ce que tu manges avant les matchs et lui il dit bah en fait je mange pas avant les matchs parce qu'en fait il peut pas manger avant les matchs, trop stressé, voilà. Et donc il dit je mange une salade et tout, et là en fait les deux Josh Hart et Jalen Brunson se foutent un peu de sa gueule en disant bah, c'est pour ça en fait que t'es tout le temps énervé sur le banc parce qu'en fait t'as la dalle quoi, t'as les crocs quoi, ouais. Et donc t'es vénère, donc c'est marrant mais ouais, tu sentais qu'en tout cas il y avait une bonne vibe entre eux deux, tu sens que ce sont quand même des piliers du vestiaire. Et lui, et que il y a, voilà, c'est les relais, c'est ils sont quand même un peu dans voilà dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que ce sont des chiens de guerre quoi les deux aussi, donc ça matche bien quoi. L'osmose est bonne, ça marche bien. Il y a un relais avec Jalen Brunson qui est le meneur, donc c'est parfait. Le groupe vit bien. Est-ce que le groupe vit bien? Ça fait une bonne note pour le coach. Allez, on retourne tout ça. Alors toi t'as fait du saison, ah oui d'accord, moi j'ai fait saison et playoff, mais A+ pour moi, A et A- pour toi en playoff, voilà, Tom Thibodeau finalement, on pouvait avoir des attentes le concernant, est-ce qu'il allait réussir à ramener les Knicks en playoff, à faire de belles choses? Bah oui, deuxième de la saison régulière, c'est pas rien, 50 wins, c'est pas volé, ça restera dans les tableaux de marque l'année prochaine quand on reparlera des Knicks, bah on se rappellera qu'ils ont fini dauphin des Boston Celtics en saison régulière, et ça, avec tout le parcours, toutes les blessures, il y a des blessures dans tout un tas d'autres équipes, ben, les Knicks s'en sont très bien sortis, et c'est en grande partie aussi grâce à son coach. Voilà, c'est ainsi que se termine notre partie review, mais on vous a dit que de toute façon, c'est pas fini, il y a encore 2-3 petits sujets à regarder, donc on va tourner un petit jingle, et puis on va envoyer tout de suite la seconde partie sur ce qui va arriver cet été pour les Knicks, maintenant qu'on a vu quelles étaient les forces en présence. Qu'est-ce qui va arriver? Oh, il y a pas mal de choses. Dans 10 jours, c'est la draft. Ouais. Donc... Allez, on parle tout ça tout de suite. Et dans 2 semaines, c'est la free agency, ça va aller très vite. Qu'est-ce qui nous attend? On regarde ça tout de suite. Allez, c'est parti pour l'été des Knicks. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Alors, un été d'Enix, ça va être un été où Léon va avoir du boulot. Oh oui. Qu'est-ce qu'il va nous cuisiner, l'ami Léon? Est-ce que ça va être la bonne tambouille ou pas? Est-ce que ça va être plutôt ça sentir le moisi hein? On va voir. Il y a pas mal de dossiers un peu compliqués. Il connaît le basket aussi, le bon vieux Léon. Jusqu'à présent, il y a eu des bons et des moins bons choix. On en a parlé notamment sur la trade deadline. Les choix de Boyan, de Burks, après coup, rétrospectivement parlant. Est-ce qu'on les aurait refaits? Pas certains, certains, ou peut-être pas de la même façon. Est-ce que ça va aider l'Enix sur l'été? Est-ce que ça va donner des assets ou pas? À voir. En tout cas, une des premières échéances, et c'est pas une, c'est deux échéances, ça va être les soirées de la draft. C'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Ouais, c'est les 26 et 27 juillet. Juin, pardon, qu'est-ce que je raconte? Moi, j'aimerais bien être en juillet, mais on va déjà finir le mois de juin. Le 26 et 27 juin, ça sera en deux jours. Petite nouveauté de la NBA, ils ont étalé ça maintenant sur deux jours. Auparavant, c'était une seule et longue soirée. Tout ça marathon. Pour que la draft de Bronny James soit plus médiatisée, tout ça pour ça. Bah, qu'on en entende parler, parce que sinon, effectivement, on coupe l'antenne et on se rend compte le lendemain qu'il n'est pas drafté. Bref, non, à voir, mais effectivement, ça va permettre aussi peut-être des ajustements, des choix stratégiques différents de recrutement. Par rapport à des joueurs qui seront pas pris au premier tour et qui pourraient glisser en début de second. Donc à voir, l'attente va être encore plus longue pour certains de savoir s'ils sont draftés. Et quand on parle de draft, eh ben, les Knicks, cette année, ils n'ont pas un, pas deux, mais trois picks de draft. Trois, quoi. 24, 25 et 38. Un pick qui est récupéré de la part des Dallas Mavericks, parce que oui, l'année dernière, ils ont tanké. Ils ont fait du tanking, oui. Non dissimulé, ils avaient été rattrapés par la NBA par rapport à ça. Et ils avaient conservé leur pick de draft. Je crois que finalement, ils ont eu une amende dérisoire. Oui. Pour la contrepartie de Derek Lively, quelque chose me dit qu'ils ont eu raison de le faire. Hein. Bah, un peu plus tôt, hein. Ils montrent de belles choses en playoff, en régulière et en finale NBA. Donc là, voilà, bon. On a récupéré ce pic, il est à nous. C'est le fameux pic qui date du trade de Kristaps Porzingis. Porzingis qui se retrouve en finale contre les Dallas avec l'équipe de Boston. Enfin, plus ou moins, il est blessé. Vous savez, l'histoire de Porzingis, quoi. Il a une blessure chelou en plus. Et lui, attends, si on peut faire juste un petit cas, parce que Porzingis, c'est quand même dingo. Le type, t'imagines, là, il s'est blessé. Injury corn. Il s'est blessé. Injury prone. Deux fois, là, pendant les playoffs. Il s'est blessé durant la saison. Enfin, lui, c'est fou, quoi. C'est un mec, quand il est là, quand il joue, il change une équipe. Forcément. Mais quand il joue, quoi, en fait. Il faut qu'il joue, quoi. Le banc, il est beaucoup moins utile, ça, c'est certain. Et il passe quand même pas mal de temps à l'infirmerie. C'est un peu la carrière de Porzingis. Mais ce garçon risque de finir bagué. Là où d'autres, plus solides, n'auront pas réussi à avoir autant de succès en NBA. Tout ça pour dire qu'avec ces trois pics, au début, on n'était pas forcément trop dans une optique de se dire « Tiens, les Knicks vont vraiment drafter trois jeunes joueurs, pourquoi faire? Est-ce qu'on va trouver de la place dans la rotation? C'est quoi les profils qu'il faut aller chercher? Est-ce qu'il ne faut pas en griller un de ces pics pour aller prendre Bronny James, histoire de brouiller les cartes ?» Bref, il y a eu tout un tas de scénarios, beaucoup de choses qui ont été annoncées, qui ont été spéculées. Et puis finalement, plus on se rapproche de cette draft, plus on se dit, plus on entend dire que bah si, peut-être que les Knicks, finalement, ils vont drafter trois joueurs. Parce que de la rotation, on en a besoin. Parce que des contrats pas très chers, ça peut aider aussi. Surtout si on prolonge d'autres joueurs à des tarifs bien plus élevés. Non, mais quand tu vois, regarde par exemple à Boston. Boston, ils ont... Qui sort du banc? Peyton Pritchard, Sam Hauser. Ouais. Et ce sont des mecs qui comptent, tu vois. Et on parle des Boston. Été chercher très haut, mais qui ont trouvé une petite place et un rôle. Boston Celtics. Et on parle des Boston Celtics. Quand tu regardes Dallas Mavericks, bon, ils ont Derek Lively évidemment qui est excellent, mais ils ont le petit Green là qui est pas mauvais. Je sais plus son prénom exactement. Enfin, ils ont deux trois mecs là qui sortent de draft et qui sortent du banc et qui amènent. Donc c'est pas un gros mot de drafter. C'est pas non, un gros mot même à New York. D'amener des mecs de la draft à jouer au haut niveau. Si on fait une bonne draft, surtout que ce sont des ranges dans lesquels Léon aime bien pêcher là-dedans. Oui, il a eu plutôt de la réussite avec Grimes, Quickley. Jusqu'à présent, la loterie, quand on était plutôt haut placé, c'était pas tout le temps de la réussite. Non. Mais pour des joueurs qui ont été un peu plus discrets avant la draft, oui, il y a eu des plutôt bonnes pioches. Donc, il aime bien, voir, il aime bien. À voir. Il y a pas mal de noms, il y a beaucoup de noms. Quand on regarde les différentes mock drafts, il n'y a pas vraiment de consensus sur les noms. Il y a peut-être un nom qui revient un petit peu plus souvent, c'est Ryan Dunn, un joueur de Virginia, plutôt un joueur sur New Yorker. New-Yorkais, il faut le préciser. Voilà. Est-ce que c'est ce côté New-Yorkais qui fait qu'il est un peu plus sur les radars de certaines mock drafts? Après, les mocks, vous le savez, il y a des joueurs qui sont projetés sur certains spots, ça monte, ça descend, non, et finalement... On va chercher des joueurs qui sont tout autres. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'est une... Alors, pour avoir écouté quand même pas mal de profils de joueurs qui ne concernent peut-être pas forcément les Knicks sur le podcast d'envergure, il ressort quand même que c'est une draft de role-player. Pour certains, peut-être des role-player plus, mais c'est des drafts de role-player. Il n'y a pas vraiment de gros talents qui dominent tout le monde. Il n'y a pas... Enfin... À ce qui ressort de tout ça, c'est que c'est une draft très homogène dans les talents des joueurs, la qualité des joueurs. Voilà, on n'est pas sur du haut de panier, on n'est pas sur une, on serait pas sur une draft de fou. Mais justement, avec la hauteur de nos picks, ça peut-être, on peut peut-être être un peu un underdog, tu vois, et arriver à choper des mecs qui, finalement, produiront autant qu'une loterie ou qu'un top 5, tu vois, parce que c'est un peu le foutoir, cette draft. C'est homogène, quoi. Voilà. C'est homogène. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que les Knicks ne traitent pas leur pic. Alors, là, maintenant, on en parle. L'année dernière, rappelez-vous, ou il y a deux ans, on savait pas trop finalement, ça avait été un micmac incroyable. On draft, on échange, on a Ousmane Dieng, on l'envoie, on machin, des trois trucs. Au final, on drafte pas au premier tour, alors qu'on avait quand même un choix plutôt haut là par rapport à cela. Ouais. On avait un choix où ? On avait le choix 15 ou 14 ou 15, non ? Je sais plus assez. Alors, pas loterie. On n'avait pas fait les playoffs. On était en sortie de non-playoffs. Et c'était plutôt une stratégie pour envoyer des picks à Détroit pour se débarrasser de Kemba, pour récupérer. On avait dumpé Nerlens Noel et Alec Burks. Et on avait. Enfin, ça avait été un truc bizarre. Et. Là, peut-être qu'au vu de cette draft qui se veut. Voilà. Égal en termes de talent, il y a peut-être un coup à jouer. Et comme tu dis, cet été, il faut qu'on re-signe OG, il faut qu'on re-signe Hartenstein. C'est ça. Il faut qu'on propose des revalorisations salariales à Jalen Brunson, à Julius Randle. Qu'est-ce qu'on fait des mecs comme Bojan Bogdanovic, comme Precious Achiuwa? Donc, finalement, avoir du jeune talent que tu vas développer, que tu vas faire sortir du banc, pourquoi pas 10 minutes par-ci, par-là, et que ça va se développer en G-League, eh bien, écoute, pourquoi pas. Et tu as mené donc ce nom de Dunn, comment il s'appelle, là, notre... Ryan. Non, Ryan Dunn. Alors, Ryan Dunn, voilà, donc c'est un New-Yorkais. Là où, par contre, il y a un consensus, c'est qu'il serait le meilleur défenseur quasiment de cette draft, et en tout cas sur les postes 3-4. Ça serait vraiment le meilleur défenseur. Il a un shoot plutôt aléatoire. On serait sur un dit no fouille, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que pour l'instant, voilà, mais ça serait un excellent défenseur. Donc, quelque part, très Thibodeau compatible. Ouais. Quelque part, son shoot à 3 points, il a 21 ans. Pourquoi pas se développer. Essayer, voilà, de lui créer un petit truc, peut-être pas forcément faramineux, mais un petit truc qui puisse le rendre un poil dangereux. Mais on l'a vu, on a manqué en playoff de densité physique, de densité athlétique. Et ça peut être quelqu'un qui peut soulager derrière OG Anunoby à ce poste-là, qui peut dépanner. Surtout qu'on ne va pas lui demander d'être performant au scoring. Ça ne sera pas son métier. Non. Donc voilà, il l'a fait. Il a fait les workouts. Ça a été le premier gars à avoir fait les workouts avec les Knicks. Il y a eu quelques mecs qui ont fait les workouts chez les Knicks, mais ce sont plutôt des noms qui, si on doit les récupérer, ça sera des gars qui vont faire partie des équipes de la Summer League. Tous les contracts. De la Summer League pour les tester, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu donc Ryan Dunn, on a eu Andrija Jelavić, Donc voilà, donc Andrija Ljajić, c'est un type qui a joué surtout en Europe cette année. On a eu également comme mec Malevi Leons, c'est un type qui a joué en Australie. Et Joe Girard, voilà. Donc, mais on est quand même surtout, ça a été le Joe Girard, c'est le seul guard. Sinon, on était quand même surtout sur des postes 3, 4, 5. Ouais, parce que c'est ça après aussi la question. Autant on a parlé des qualités défensives de Ryan Dunn, qui selon Bleachers et Bleacher Report, ses comparaisons le comparent à ma Matisse Thybulle, donc plutôt belle référence. Si c'est un joueur de ce style-là, pourquoi pas? Ça peut être effectivement tips compatible. Matisse Thybulle Mais est un meilleur voilà, shoot. après les questions qu'on se pose aussi avec ces trois picks de draft, pourquoi pas aller effectivement chercher des joueurs? Pourquoi pas aller chercher des joueurs pas chers, jeunes? C'est sur quel poste après? Est-ce qu'on a besoin sur le poste de meneur? Bon, on a du McBride qui peut dépanner, mais est-ce que c'est vraiment un meneur? Ouais, plutôt un poste 2. Donc voilà, ça va être des questions entre la draft, les free agency, les trades. Quel poste il va falloir aller renforcer? Est-ce que c'est les postes d'intérieur? Est-ce qu'un départ d'Isaiah Hartenstein qui est fortement convoité, ça on va en parler juste après. Est-ce qu'il faut pas l'anticiper et aller chercher plutôt quelqu'un qui prendrait la place de Jericho Sims? Hein, soyons clairs aussi. À un moment donné, il y a eu des rumeurs autour de Zakaidi, mais qui devrait Zakaidi, partir plus haut dans la draft. son profil bouge beaucoup dans cette draft. C'est-à-dire que tu peux autant. C'est pour ça que je vous dis que cette draft est étonnante. C'est-à-dire que Zakaidi, autant il est projeté loterie, autant il est projeté voilà, 25e. Aux alentours des postes des pics d'Enix, ouais. Ça, je veux dire, j'ai rarement vu ça dans une draft. Des types qui sont annoncés top 12, top 13 par certains, et qui sont annoncés top 25, entre 25 et 30 dans d'autres. Enfin, je veux dire, c'est plutôt. Alors que Zakidi a quand même été un joueur excellent cette année. Un attaquant hors pair. Alors, on peut lui reprocher pas mal de choses défensivement, mais offensivement, monstrueux. C'est un type qui peut. Il a joué notamment en finale contre celui qui est annoncé comme un des meilleurs défenseurs intérieurs, Donovan Klingan, ou Klingan. Ouais, je pense que c'est Klingan. À la française, Klingan. Clingant, Et Donovan. Donovan Klingan. Et il n'a pas eu des difficultés à lui scorer sur la tronche. Donc Zakidi est un attaquant excellent en pivot. Mais est-ce que c'est le profil? Est-ce que c'est comme ça qu'on joue chez les Une Knicks comparaison avec nos. avec Jonas Valanciunas, selon Bleacher. Est-ce qu'on joue avec nos pivots? Est-ce que c'est toi? On en parlait justement sur le débrief de la saison de Jalen Brunson et de Mitchell Robinson. Est-ce que, tu vois, est-ce qu'on Il n'y les a pas cette implique? connexion, donc est-ce qu'il faut avoir un joueur offensif, faire un max Alors, 1-5? est-ce que, voilà, est-ce que Zach Edey est un joueur au profil plus, comment on pourrait dire, plus, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme profil? Est-ce que c'est un Hartenstein? Je le vois pas comme un Hartenstein. Non. Non, il est comparé à Valanciunas. J'en perds mon Tu latin. pouvais te moquer de mon Donovan Klingan. Oui, j'ai ripé. Il est comparé, en comparaison, il est en comparaison avec Jonas Valanciunas. Donc à voir. Un Zakidi qui semble aussi être dans le viseur de OKC. Donc si OKC mise sur ce joueur-là, peut-être qu'ils ne miseront pas sur un Hartenstein à la free agency. Bon, à voir en Mais tout ça va cas. être cette intersaison là, ça va être. Il y a En pas tout cas, mal, il y a pas mal la d'équipes. draft peut donner un avant-goût Ouais. des stratégies après Ah, par mais rapport aux prolongations et à la free agency. il peut déjà y avoir des trades pendant la draft. Ça peut déjà Ouais. commencer à bouger pendant Ça va la être draft. intéressant. Donc Ça va ouais. être intéressant. On va suivre ça pour voir ce que font les Knicks. Autant la saison dernière, il n'y avait pas de pic de draft pour les Knicks. Donc, du coup, on s'en est pas occupé. Là, il y en a trois à voir ce que Léon va faire. Mais Léon, il va pas que s'occuper de la draft. Léon, il a aussi un été avec pourquoi pas des trades, pourquoi pas de la free agency. Alors on a vu et on en voit dans tous les Oh sens des là là rumeurs. là là. Qui envoie du Julius Randle contre Lauri Markkanen, contre Eh Mikal oh. Bridges, contre. On en voit dans tous les sens. On est dans la Fantasy League à fond les ballons en ce moment. Est-ce que les Knicks vont vraiment faire un coup cet été en termes de trade? Il y a surtout les dossiers de prolongation, et peut-être que une fois les dossiers de prolongation réglés, là ça va libérer certains axes de réflexion, parce que si les Knicks étaient amenés à perdre OG Anunoby, ce qu'on ne souhaite pas ici bien sûr, si les Knicks étaient amenés à perdre aussi Isaiah Hartenstein, là il y aura des secteurs à aller compenser, il y aura du million de dollars à les distribuer, et peut-être que ça peut faire revoir des plans. Donc voilà. Tout ça va être fortement lié. Oui, il y a peut-être aussi les destins de Bojan Bogdanovic, Alec Burks, tout ça, qui vont libérer un peu du cap et des places en sortie de banc. Il y a toujours les rumeurs, Karl-Anthony Towns, Zion Williamson, enfin tous ces noms-là qu'on connaît, qu'on a vu et revu à base de Photoshop sur le net, sur le web. Toi, tu penses qu'il va y avoir du vrai mouvement en termes de trade? Je parle pas de prolongation. Il y a les dossiers prolongation, mais est-ce que tu vois les Knicks vraiment, après avoir fini deuxième, après avoir été au bout de ce qu'ils pouvaient faire, par les blessures surtout, freinés par les blessures, est-ce que tu les vois faire un gros move pour tenter d'être contender, pour tenter d'aller encore plus loin? Ou est-ce que plutôt une stratégie de reconduction de l'effectif avec des ajustements? Qu'est-ce que tu vois en termes de stratégie de Léon cet été? Parce que Non. les marges de manœuvre sont pas très énormes non plus. Hein. Très. Non, non, non. Surtout qu'on est quand même bloqué, notamment sur Artenstein, on ne peut pas lui proposer qu'un certain montant. Je crois qu'il s'élève à 16 ou 16, 18, 18 millions, millions la saison. Là où des rumeurs autour de 20 millions, peut-être de la part Voilà. Alors, d'OKC. bon, si, ok, si, mais entre 20 et 25, Arti, on t'aime, mais c'est trop cher. On va voir quoi. C'est Ouais. trop cher. Oui, il amène, il se joue bien. Enfin, il joue bien avec Jalen Brunson. Il y a une vraie chimie qui s'est créée. Mais à 25 patates, enfin, je veux dire, il peut pas être payé autant que Jalen Brunson qui est payé maintenant, quoi. Ça me paraît énorme. Bon, Jimmy va prendre une extension, mais ouais. Ouais, ça me semble beaucoup. Maintenant, moi, je pense que non. Je pense que les gros mouvements ont déjà eu lieu. Les gros mouvements ont déjà eu lieu ben, cet hiver. Je pense que on n'aurait pas tradé OG Anunoby si on n'avait pas quand même certaines garanties de sa resignature. C'est-à-dire que cet été, potentiellement, tu te dirais, ah ben, on a envoyé IQ et RJ Barrett, c'est-à-dire quand même deux joueurs qui ont encore du potentiel jeune et productif. Contre potentiellement, alors trois gars, un est déjà parti, un deuxième, Precious Achiuwa, pareil, étant restricted et potentiellement on peut ne pas le garder, et OG Anunoby qui peut partir ailleurs. Donc en fait, on se serait fait avoir sur Pour toute la rien, ligne. ouais. On se serait fait avoir sur. Je le vois pas comme ça. Je pense que l'oseille va être aligné sur Pour OG OG, Anunoby. Je ouais. pense qu'il va prendre entre ses 30 et ses 30-35 millions la saison. Je pense qu'il y aura des garanties. Des clauses dans son contrat, Sur le nombre de matchs joués, sur des choses comme ça, ou des primes. Peut-être des primes en fonction de exactement. si tu nous fais plus de 70 matchs, Ouais, 65 matchs. je Allez, pense que boum. un peu comme avait eu Joel Embiid de quoi sur les premières saisons, c'est-à-dire pas on te file de l'oseille si t'es là quoi. Donc Ouais. après Pourquoi pas des malheureusement primes aussi à base de All-NBA et Defensive Team, des choses comme ça. Et après là, ça veut dire qu'il faut faire plus de 65 matchs. Donc. Après, voilà, après, on sait qu'OG Anunoby, quelqu'un qui se blesse beaucoup, c'est pas de son fait, hein, il est fragile. Donc, est-ce que vraiment tu mises autant? Moi, je pense qu'il faut repartir avec le même groupe. Retenter. Retenter notre chance en croisant les doigts que cette fois-ci, on soit épargné par les blessures. Comme on dit, il y a beaucoup de facteurs dont les blessures font varier les saisons. Cette année, bon, ben, on n'a pas été épargné. On est allé au second tour en Game 7, mais quid de notre équipe au complet? Voilà, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Ça, ouais. On ne le saura jamais. On peut être dans de la fiction et se dire, ben, on sera allé titiller les Boston Celtics, ou Oui, c'est pas. sûr. Mais C'est bon, sûr. avec une équipe décimée, on va en Game 7 en demi-finale de conférence. Donc il n'y a pas de raison qu'avec une équipe au complet, on ne soit pas allé au-delà. Moi, je pense qu'on va repartir avec le même groupe. Est-ce que... Exactement le même groupe. Genre, tu as parlé d'OG Anunoby, t'as dit. Et je pense aussi, je suis sur ton point de vue, sur le fait que les Knicks vont mettre l'argent sur la table pour garder OG, même si c'est cher payé pour un joueur qui est injury prone, faut appeler un chat un chat. Je pense qu'ils vont mettre les 35 millions qui vont bien pour qu'il reste. Il est chez CIA et tout ça, donc ça laisse entendre dire que ça va se faire. Par contre, je pense que Isaiah Hartenstein, moi, il va partir. Toi, tu je pense qu'il qu'il y a une autre équipe qui va lui mettre beaucoup. Mais c'est possible, hein. C'est possible qu'il y ait une dinguerie. Moi, je pense que ça lui tient à cœur de rester à New York. Mais le business va faire qu'il va pas s'asseoir sur 4-5 millions. Le roommate le concernant est très, je crois qu'on en avait déjà parlé, était très, très instructif sur lui. Il faut savoir que sa première saison, il était prêt à baisser son salaire avec les Clippers pour rester. Ouais, finalement, les Clippers tardent à négocier le contrat avec lui. Finalement, se réveille après la deadline. Et là, il dit non, je vais tester le marché. Et là, il va être au max de sa valeur marchande. Et les Knicks, lui. Lui a intérêt justement à prendre le plus gros chèque possible. Alors, il est dit que, en gros, ça serait presque un contrat à 2 plus 1 du côté de OKC, si ça venait qu'à être proposé. Le projet sportif est intéressant en plus. Et oui, intéressant. Mais le projet Knicks aussi. Oui. En sachant qu'il est titulaire à New York. Non, mais si tu prends plus d'argent sur un projet qui est intéressant, alors, ouais, aussi, tu veux prendre plus d'argent, mais sur court terme. Mais les Knicks seraient capables de pouvoir lui mettre, en tout cas, à ce que j'ai pu voir sur des informations. Alors, je ne sais pas si c'est Ian Begley qui l'a relayé ou quoi, qui disait que peut-être, tu vois, si les Knicks se proposaient un contrat sur 4 ans. Moins mais plus long. Ouais. Moins mais plus long, et ben ils seraient peut-être plus à même d'accepter et de faire cet effort pour rester à New York. Bon, avoir justement son cœur balance. Moi, je serais moins catégorique sur son départ. Je ne suis pas franchement optimiste sur le fait qu'il reste, mais je tire pas un trait sur le fait qu'il reste à New York cet été. Mitchell Robinson. Tout dépend de l'oseille qui va être aussi alignée, parce que il va y avoir des équipes qui vont avoir du cap. Ses performances ne sont pas passées inaperçues. C'est un bon gars qui sait faire beaucoup de choses sur le terrain et souvent blessé. Donc ça, c'est pas mal aussi. Pas souvent blessé, qui peut faire, voilà, comme je t'ai dit, beaucoup de choses. Donc évidemment que tu vas avoir des équipes qui vont aligner de l'oseille. Maintenant, c'est lui. Est-ce que New York, qui l'a révélé, est-ce qu'il va y avoir de la fidélité et dire « Ok, je reste » Ou est-ce qu'il dit « Bon, écoutez les gars, merci pour tout, vraiment. Vous m'avez amené là où je suis. Peut-être que le train ne repassera plus. » Et il y a eu des gars qui ont refusé. Nerlens Noel s'était assis sur un gros contrat. À Dallas. Voilà. Donc, ça peut arriver. Maintenant, qu'est-ce que lui va faire? J'espère de tout mon cœur que la fibre new-yorkaise et cette ambiance suffisamment prise. Il a le poste de titulaire. Il est titulaire au Knicks, quoi. Il est vrai. À voir si madame préfère rester à New York et tout ce qui va bien avec. Qu'est-ce qu'il y a à faire au cas où pas... c'est perdu, c'est paumé au milieu de rien. On est d'accord. Quand même. Ceci dit, la petite vidéo Instagram sur le compte de Monsieur Hartenstein laissait plutôt entendre un hein, merci beaucoup pour tout. Ça semblait plus un message de au revoir, quoi. Ouais, au revoir, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il va vraiment être à l'écoute. Moi, je pourrais pas lui en vouloir s'il y a une équipe qui met 25 millions et qui dit bon, écoutez, bisous. Prends. Qui dirait non tu vois, tu l'auras mérité. Moi, si on me propose 25 millions, je prends. Et si je on propose 20 que... ou 16, je prends aussi. Et je pense que, ouais, comme tu dis, tu vois, si on draft un pivot, ça donnera peut-être un indice. Un avant-goût, un signe avant-coureur, à voir. On va essayer de faire court pour essayer de faire finir cette émission. Donc, on a dit, voilà, ça va être les deux gros dossiers. OG Anunoby, Isaiah Hartenstein, est-ce que ça prolonge? On aimerait avoir. Faisons court, un oui, non. Est-ce que Mitchell Robinson, c'est toujours un X à la reprise de la saison l'année prochaine? Oui. Ok. Julius Randle? Oui. Oui. Est-ce qu'il aura signé une prolongation? Je ne sais pas. Non. Je ne pense pas. Non. Est-ce que ça sera un X ou oui? Oui. Ok, je suis d'accord avec toi pour les deux. Oui et oui. Et est-ce que Julius aura prolongé cet été? Pour moi, c'est un non. Il y aura une prolongation et ce sera Jalen Brunson avec un petit cadeau où il prend pas le max du max du max pour essayer d'aller le plus loin possible avec cette équipe. Voilà, voilà. Ça, c'est l'été que l'on espère que l'on verra. Regarde cette équipe là. Regarde cette équipe là. Regarde cette équipe. Ouais. C'est beau, c'est beau. Ça, c'est champion NBA. Elle est sympa là. À voir. Bon, ça, c'était notre grosse émission, plus d'une heure et demie d'émission. On a terminé les reviews. On s'est un peu projeté sur cet été. Difficile d'en savoir un peu plus sur ce qui va se passer à la draft, Voilà, les profils, il y en a un petit peu différents. Ça va être des profils de role-player. Est-ce qu'il faut un intérieur? Est-ce qu'il faut des extérieurs? Est-ce qu'il faut un peu trois profils? Hein, à voir, à voir. En tout cas, on va suivre ça. Peut-être qu'on n'exclut pas une petite vidéo début juillet pour débriefer les premiers mouvements. Donc, on va vous souhaiter, quoi qu'il arrive, un excellent été. On va vous attendre aussi ce dimanche 23 juin au One Ball pour vous faire des bisous, pour vous envoyer des petits crosses et des paniers. Cet été est chargé en actu sport parce que là, tu as actuellement l'Euro de foot, tu as les JO, tu vas avoir évidemment le Tour de France. Tu vas avoir toute l'actu NBA parce que juillet-août, on sait que c'est riche en actu la NBA. Summer League. La Summer League qui aura lieu du 12 juillet au 22. Est-ce que visiblement, il serait dit que si la Lituanie ne fait pas les JO, Rokas Jokubaitis ferait la Summer League avec l'Edict. Donc ce type-là n'a pas fermé la porte et serait prêt à essayer de faire une percée à l'NBA. Donc, peut-être est-ce que ça serait pas lui le backup de JB voilà, prochaine. Tu vois, peut-être hein que pas cher. J'ai pas oublié que c'est Léon Rose qui a aussi qui l'a drafté. Donc en même temps que Miles McBride. Donc ça fait 3 ans qu'on a ses droits. Donc voilà, à voir ce que ça donne si la Lituanie vient pas et qu'il joue la Summer League, à voir ce que ça donne. Ça avait pas été une franche réussite quand il les avait fait la première fois. Donc non, ouais, beaucoup d'infos. Il va se passer pas mal de choses, on va suivre tout ça. Donc comptez sur nous et puis on se garde l'opportunité d'un petit 95e épisode au début du mois de juillet, donc restez à l'affût, de toute façon vous connaissez les bails sur YouTube, le pouce, la cloche, les commentaires, tout ça, on est là encore un petit moment avec vous, on espère que vous avez passé une très bonne saison, on va peut-être débriefer ça, moi j'ai encore envie de débriefer cette draft parce qu'il va se passer des choses, et puis pourquoi pas les premières signatures, est-ce qu'on va dire au revoir à OG? Non. Est-ce qu'on va dire au revoir à Hartenstein? Oh là là. Est-ce qu'on va dire bonjour à Carl Anthony Town? Bon, bref, on verra tout ça. Il va se passer encore des choses sur les prochaines semaines. Donc voilà. Voisin du dessous, je vais encore essayer de me soigner parce que je suis enrhumé comme c'est pas possible. Ah bah là, moi j'ai mon doigt là. Le fait d'habiter en rooftop là, c'est trop venteux. C'est trop venteux. Voilà. Une très bonne émission, en tout cas de passer encore avec toi cette saison. On vous donne rendez-vous très bientôt, restez à l'affût. C'est pas fini, les vacances sont pas encore là pour nous. Elles arrivent bientôt, mais elles sont pas encore là. D'ici là, portez-vous bien. Et même si on est en vacances, il y a toujours de l'actu. Oui. Et on relaye toujours l'actu. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle d'Enix. Ça vaut pour YouTube, ça vaut pour les autres réseaux sociaux. Vous savez où nous trouver. Donc on vous souhaite une très très bonne semaine, un très bon One Ball dimanche. Et puis on vous dit à très très vite sur KNF TV. Ciao, ciao. Ciao. We'll